Vivacité, ma radio complicité. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Eh oui, en direct de Nivelles ce samedi au parking Saint-Roch, on est avenue Albert et Elisabeth avec toute la bande du beau vélo de Ravel. Et on va retrouver là tout de suite sur la ligne de départ Olivier Coll. Comment ça va Olivier? Bonjour Philippe. Bonjour. Écoutez ça, les Ravelistes, les beaux héros du Ravel sont en pleine forme. Sous une météo clément, parce que c'est vrai que ce matin on avait un petit peu peur, vous comme moi Philippe, de devoir essuyer la drache, mais là c'est un petit peu rafraîchi ce temps, un peu lourd, et on est donc hyper prêt avec Pascal Michel aussi qui fait sa grande première sur le beau vélo de Ravel. Bonjour Pascal. Ben oui, bonjour Olivier, je suis très heureux de partager cette belle aventure avec vous. Je sais que vous allez me faire souffrir. L'entraînement voilà. De la semaine dernière a laissé un peu à désirer. J'avoue, j'ai mis le pied par terre une fois dans une montée. Mais vous me le pardonnerez cette semaine. Ah ben cette semaine, pas le choix, vous restez à l'avant avec nous pour nous faire partager cette région de l'ouest du Brabant Wallon. C'est vallonné, donc ça veut dire que ça va monter et descendre. Vous m'avez dit que c'était plat. Non, non, ça c'était juste pour vous faire venir. Ça ne va pas arrêter de monter et de descendre, mais jamais beaucoup. Ah d'accord, il y a toujours une descente après. Et en plus, il a un peu plus cette nuit, donc ça va un peu glisser, etc. Pascal, on va s'intéresser, avant de commencer, au côté folklorique de Nivelles, parce qu'il y a beaucoup, mais alors beaucoup de confréries et de consoeries aussi, ça c'est une particularité. Jacques, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'assistant du grand maître de la confrérie de la Tartale. Le premier prévôt. D'accord, alors cette tarte aljot, c'est une tarte chaude. C'est vrai que c'est la chose qu'on connaît le plus de Nivelles en dehors de Nivelles. Ah ben c'est certain, elle a une très grande renommée et elle date de 1200. On va voir si j'ai bien étudié. De la bête. De la bête. Des oignons. Exact. Du persil. Le fromage frais qu'on met, et puis le fromage de Nivelles. Beaucoup de beurre, et alors il y a une formule qui dit... Mendjibi, vous m'aurez craint. Voilà, très bien. Ça, c'est la devise de la confrérie. Exactement. Alors vous êtes avec une grande dame, Pascal. Ah ben oui, parce que vous savez, à côté des confréries, il y a aussi des consoeries. Et j'ai Marie-Paul à côté de moi. Bonjour Marie-Paul. Bonjour. Alors vous êtes la consoerie des secrets de Dame Gertrude. On parlait de la tarte aljot il y a un instant. Oui. Vous, c'est plus dessert, c'est biscuit. Oui, biscuit, mais nous avons le canestia. On a remis à l'honneur un ancien biscuit de Nivelles, bonbon de Nivelles, qu'on appelle le canestia. C'est le genre de biscuit où on se casse les dents dessus? C'est ce que nos confrères ont l'habitude de dire, mais non, franchement, j'ai encore tous leurs alors, dents. Alors, je regarde vos dents, ça va. Tout est bon, tout y est. Les 36 sont là. Alors, vous fabriquez donc des petits salés de Gertrude. Gertrude, c'est quelqu'un d'important ici dans la région de Nivelles. Oui, c'est la patronne de Nivelles. Et les petits salés, c'est pour un accompagnement un peu plus pour l'apéritif. C'est un petit biscuit sablé, salé. Un petit biscuit tranquille. On pourrait faire toute une émission rien que sur les confréries, parce que j'ai encore la confrérie de la gente Nivelles. Jean-Jean, comme on l'appelle ici. Jean-Jean, oui. Notre Jacques Mar qui sonne les heures. Alors, je vous présente Landry. Landry, et voilà, qui a failli me faire boire une bière des Pontron-Minet ce matin. Ah ben, si vous vouliez, c'est faisable. C'était votre petit-déj? Moi pas, mais il y en a, oui. Ben, heureusement, je n'ai pas accepté la proposition, mais... Mais c'est que parti. On mettra le couvert. Ben, bien sûr, une bonne archiduc. Enfin, la couvert ou le verre, plutôt. Hein. Le verre, ouais. Voilà, une bonne archiduc pour terminer l'après-midi, Pascal. Et moi, je vous propose du vin, maintenant. Vous savez, il y a tout ce qu'on veut, en fait. Ici, on peut se faire un voyage gastronomique juste en restant à Nivelles. Avec les vendangeurs du chapitre, on fait du vin à Nivelles. Qu'est-ce que c'est, cette histoire? Exactement. Depuis quelques années, donc, il y a eu la ferme du chapitre qui a planté plus de 40 000 pieds. Donc, et actuellement, on a, en octobre, septembre-octobre, on a fait les premières vendanges. Et aujourd'hui, donc, sont sorties les premières bouteilles donc de vin blanc et de rosé. Et qu'on peut déguster notamment ici, sur ce grand village d'accueil de ce beau vélo de Ravel-Olivier. Oui, et là, il va être le temps de donner le départ, Pascal. Enfourchez votre monture, votre tandem. J'ai Pierre Huard, qui est le bourgmestre de Nivelles à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Vous arrivez entre deux mariages. Voilà. Moi, je crée d'autres styles de tandem aujourd'hui. Je vois ça, oui. Pour des destinations plus lointaines aussi. Voilà, hein. Tout à fait. Nous, ce sera juste pour 3 heures, à découvrir votre... Mais vous avez de la chance. Moi aussi, d'un certain sens. Mais vous allez découvrir Nivelles sous un autre angle. Voilà. Et on va rester à 100% sur le territoire de votre commune, en plus. Tout à fait. Bah, je vous propose de donner le départ de cette balade. Sans blesser? Oui, sans blesser personne. D'accord. Donc, alors, on vous a enlevé votre panneau. Voilà. Qui m'a blessé tout à l'heure. Une arme blanche. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti pour 30 km, Philippe, autour de Nivelles, de ces vallons de l'ouest du Brabant wallon qui vont nous conduire dans les 4 villages de cette entité qu'on vous présentera tout au long de l'après-midi. Effectivement, vous allez quitter Nivelles pour rejoindre Monstreux, Bornival. On passera aussi par Bollers, Partine pour revenir sur le parking Saint-Roch que vous quittez à l'instant même. On vous attend avec impatience tout à l'heure puisque sur notre belle scène du beau vélo de Ravel ici à Nivelles, eh bien on attendra la voix de ses maîtres. On attendra également Florent Motte et Natacha Saint-Pierre. C'est pour le coup de 16h tout à l'heure. Là, c'est Milo qui est avec nous. Milo avec Howling at the Moon. Eh oui, c'est comme les loups qui hurlent à la nuit. Summer ago, I found it in Monaco. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. The sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be summertime, take me back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. Someone should fly with me, at dinner in Sicily. Be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will il est 13h20 minutes sur Vivacité, c'est le beau vélo de Ravel. On va retrouver tout de suite Olivier Coll sur la route. Alors comment ça se passe ce départ, Olivier ? Plutôt bien, Philippe, ce départ. Je passe à l'instant sur un petit pont de bois. Un petit pont de bois qui avait servi. Oui, qui est servi pour la toute première édition du beau vélo ici à Nivelles. C'était en 2005 et ce pont, ah bah, il est toujours là et il nous sert bien aujourd'hui. Alors que on a une moto qui fait une petite chute devant nous, parce que vous le savez, comme je vous l'ai dit, eh bien, il a bien plu hein, cette nuit dans la région. Mm-hmm. Et donc, eh bien, il va falloir qu'on soit très très prudent sur ce parcours. On va peut-être présenter nos invités, parce que derrière moi, eh bien, j'ai la chance d'accueillir une collègue. Oh, j'ai presque envie de dire une collègue en parenthèse. Simon, bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Tout le monde croit que vous êtes encore dans la maison. On vous demande plein de nouvelles, des infos régulièrement. Oui, c'est vrai. Alors que vous avez mis cette carrière, je le disais, en parenthèse pour devenir, et c'est complètement hallucinant pour ceux qui connaissent n'est-ce pas, votre passé sportif, manager d'un club de hockey. Manager du club de hockey de l'Ombrage, effectivement, depuis début juillet. C'est une parenthèse de la rédaction parce que je vais continuer à être chroniqueuse dans le 6-8 avec Sarah de Padua. Donc, j'abandonne pas la RTBF. Mais c'est vrai que là, je vais vraiment être dans un milieu totalement différent. On est dans du sport, on est dans du hockey, dans quelque chose où on se lève le matin. On est dans quelque chose de très positif par rapport peut-être à l'actualité du moment. Et vous allez nous raconter quel rôle d'un manager. On dit manageuse ou pas? Écoutez, moi, je me suis pas renseignée là-dessus, mais manager, on va prendre manager, ça va très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On en parlera tout à l'heure ou maintenant, c'est comme vous voulez. Bah, oui, on va un petit peu laisser de suspense et peut-être aller... Partons sur le suspense. Voilà, Pascal, Michel, vous avez derrière vous Jérémy. Oui, Jérémy, c'est le régional de l'étape, il a 34 ans. Bonjour Jérémy. Bonjour Pascal. Alors Jérémy, vous êtes prof de sciences dans la vie de tous les jours, donc, et vous êtes originaire de Bruxelles, mais vous vivez à Nivelles depuis quoi, une dizaine d'années en fait. Voilà, je suis installé ici en 2006. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé à venir vous installer à Nivelles alors que vous êtes Uclois d'origine? Déjà parce que c'est très très beau comme région, ça, parce vrai. Que les Nivellois sont super accueillants, et tout simplement parce que j'ai trouvé mon bonheur dans cette ville qui est Nivelles. Et vous allez nous servir de guide évidemment durant toute cette balade ici dans les différentes contrées de Nivelles. On va traverser les quatre villages de l'entité, vous l'avez dit Olivier tout à l'heure, et on va évidemment découvrir ce passé de Nivelles parce qu'il y a pas mal de fermes, il y a pas mal de châteaux, il y a plein de trucs à vous raconter et on aura l'occasion de développer tout ça jusque 17h. Eh ben on va pouvoir découvrir tout ça à l'aise. Ici sur le village d'accueil, ben il y a pas mal de confréries, vous les avez présentées il y a quelques instants. Il y a aussi des familles d'accueil, il y a des exposants, nos partenaires qui sont bien présents. Et avec Stéphane Piedboeuf tout à l'heure, dans le courant de l'émission, on aura l'occasion d'aller leur rendre visite et de voir un petit peu ce que l'on propose dans les différents stands qui se trouvent ici sur la place et sur le parking Saint-Roch, avenue Albert et Elisabeth. Ne laissez pas la monotonie s'installer dans votre cuisine. Moi, c'est la monotonie et j'adore cette cuisine. Même mobilier et frigo depuis 25 ans. D'un ennui. Avec Induscabel, la monotonie n'a plus sa place dans votre cuisine. Oh ben merci. Parce qu'en juillet, Induscabel vous offre jusqu'à moins 60% sur ses cuisines d'expo. Alors, adieu la monotonie. De toute façon, je m'ennuyais. Induscabel, avec vous de A à Zen. Jusqu'au 30 juillet, dans nos 4 showrooms, solde jusqu'à moins 60% sur votre cuisine. Infos et conditions sur induscabel.be. L'archéocyte et musée de Buchy-Belleuil vous propose un voyage à travers le temps. Chaque dimanche après-midi, rencontrez nos artisans au travail. Forgerons, tailleurs d'os, bronziers, tisserands, potiers. Découvrez également notre espace muséal axé sur les cultes et croyances antiques. Info 069 67 11 16 ou archéocyte.be. Avec vivacité. C'est la folie des soldes chez Mediamart sur le plus grand assortiment de Belgique. Des lave-linges aux grippins, des frigos aux brosses à dents et des sèche-cheveux aux aspirateurs. Tout votre électroménager se trouve chez nous. Mediamart, je ne suis pas fou. Mais qu'est-ce qu'il nous faut là? Maintenant chez Poincaré, c'est moins 70% sur tout le magasin à l'achat de 5 articles hors exception. Moi j'y vais maintenant. Alors vous, attendez un peu, ça serait gentil. Poincaré, j'adore. Plus d'infos sur poincaré.eu. Un événement magique s'est produit à Belleward. Des petits bébés léopards de l'amour sont nés. Et comme Belleward participe au programme de reproduction internationale, cette naissance aidera à repeupler cette espèce menacée dans son habitat naturel. Et ça, c'est magique. Venez les découvrir. Plus d'infos sur baby.belleward.be. Dis chérie, ouais. C'est une tartine à la confiture ou de la confiture à la tartine que tu dévores là? Ah je sais, oui, mais la confiture materne, c'est trop bon. Merci les fruits. Merci materne. Et oh, n'oublie pas de m'en laisser un peu quand même, hein. Vivacité, la 1 et la 2 présentent les Total 24 Hours of Spa. Du 26 au 31 juillet, la plus grande course GT au monde, sur le plus beau circuit du monde. Des marques de prestige, un plateau de rêve, animation pour grands et petits, concert du samedi soir. Info et tickets 24hoursofspa.com. Pour vos sorties cet été, plutôt en bus ou plutôt crevé? C'est encore loin, dit. Ou alors gêné. Mon grand, je viens te rechercher à 22h, hein. Ouais. Cet été, pensez plutôt au tech pour vous déplacer. Rejoignez notre page Facebook Tech On Tour et tentez de gagner des places pour vos prochaines activités. Le tech, partenaire de vos évasions estivales. C'est le vrai moment. Il faut s'y... saisir ta chance. Quoi qu'ils en disent, quoi qu'ils en pensent, remplis ta différence. Quoi que tu ailles, ou que tu vibres, dans tes entrailles, un brin de dérive. Faut pas qu'il faille, quoi que tu vives. Oh oh, un souffle de délire, un éclat de rire, des étincelles. Un souffle de délire, un éclat de rire, des étincelles, c'est ça qui m'inspire. Jette dans mon ciel des poussières d'argent, caresse ma démence. Viens qu'on leur fasse éperdument, qu'on raconte nos chances. Quoi que tu ailles, où que tu vibres, dans tes entrailles, un brin. Que tu vives, oh oh, un souffle de délire, un éclat de rire, des étincelles, c'est ça qui m'inspire. Un souffle de délire, un éclat de rire, des étincelles, c'est ça qui m'inspire. Dans mes entrailles, un souffle de rire, quoi que tu fasses, il faut que tu vives, pour qu'il pense, quoi qu'il vive. Dans mes entrailles. De délire, un éclat de rire, des étincelles, c'est ça qui m'inspire. Un souffle de délire, un éclat de rire, des étincelles, c'est ça qui m'inspire. Un souffle de délire, un éclat de rire, des étincelles, c'est ça qui m'inspire. Un souffle de délire, un éclat de rire, des étincelles, c'est ça qui m'inspire. Souffle de délire. Un souffle de délire, c'était bien sûr Suarez sur Vivacité. Il est 13h29 minutes. Le beau vélo de Ravel sur Vivacité. Et nos beaux héros du Ravel sont pilotés aujourd'hui par Pascal Michel et Olivier Coll. Mais oui, évidemment, alors que nous sommes toujours sur cette ligne de chemin de fer transformée en réseau autonome de voilà, en Ravel, donc, hein. Un Ravel qui allait à l'époque, quand c'était encore ferré, de Wavre à Manage. Et aujourd'hui, c'est lui que nous empruntons pour sortir de Nivelles pour aller vers le village de Montreux. Delphine, on est en plein dans la gadoue. Vous vous attendiez à ça ? Oui, non, pas du tout. En fait, c'est vrai qu'il a plu beaucoup ce matin. Et ce qui est très sympa, c'est qu'en fait, apparemment, ça n'a découragé personne parce qu'à la ligne de départ, tout le monde était là et ils ont bien fait parce que la pluie, c'était ce matin. On doit juste un peu supporter la gadoue, effectivement, et faire gaffe de ne pas glisser. Olivier, vous faites attention, hein, s'il vous plaît. Je fais attention, promis. On va regarder obliqué à droite de façon tout à fait... Voilà, en sécurité. Et c'est vrai que comparé à la répétition d'hier, Philippe, ça n'a plus rien à voir. Delphine, oui. La région de Nivelles, c'est une région où vous venez de temps en temps ou c'est une région que vous découvrez vraiment aujourd'hui ? Ah, écoutez, je dois être honnête, je la découvre avec vous, même si je connais quand même pas mal de petits lieux dits, que ce soit la cathédrale, la collégiale, pardon, Sainte-Gertrude, ou évidemment du côté culinaire, la tarte à l'jotte. Oui, alors ça peut paraître être un peu cliché, et pourtant, quand on parle à des habitants de Nivelles, les aclos comme on les surnomme, de ces deux références absolues, ils en sont plutôt fiers. On parlait tout à l'heure d'ailleurs des confréries. Pascal, on va vers Montreux là-bas. Je suis sûr que Jérémy a pas mal de choses à nous raconter. Ce sera notre guide aujourd'hui. Oui, Jérémy, c'est notre guide. Il habite Nivelles ici depuis 10 ans et je peux vous dire qu'il a pas mal bossé le sujet parce qu'on va le voir, c'est assez bucolique Jérémy ici autour de nous. On est en train de traverser les champs pour le moment et on va avoir l'occasion pendant notre parcours cet après-midi de passer à côté de pas mal de fermes, etc. Comment ça se fait? Comment on explique qu'il y ait autant de fermes comme ça dans cette région? Il y a effectivement, au départ, il faut savoir que comme la naissance de la ville de Nivelles débute réellement au 7e siècle, avec la fondation de l'abbaye de Nivelles, eh bien, ils ont développé énormément de surfaces agricoles de manière à pouvoir nourrir les villageois et acquérir des richesses. Et donc, on va retrouver ici à Monstreux énormément de fermes de taille assez imposante. D'ailleurs, celle qu'on va voir un peu plus loin sur la droite, qui est la cense de l'abbaye, toute de blanc vêtue en forme de carré avec des murs qui montent assez haut, vous verrez, elle est vraiment impressionnante. Alors, oui, c'est vrai que, et donc on va avoir l'occasion évidemment de décrire ces différentes fermes et ces différents paysages qu'on va voir lors de ce parcours. On parlait justement il y a un instant avec Olivier des Aclos. Les Aclos, c'est le surnom qu'on donne aux Nivellois. Et on aura évidemment l'occasion d'en parler encore pendant tout cet après-midi, Olivier. Tout à fait, on parlera de toutes ces richesses. Et on ne quittera pas d'un seul mètre l'entité de Nivelles aujourd'hui. Un parcours en étoile qui va nous faire découvrir tous les panoramas différents également que vous décrirez tout au long de cette émission, Pascal. On arrive justement à cette ferme de l'abbaye dans quelques dizaines de mètres et on rentrera dans le village de Monstreux. Comme ça, Philippe, vous pouvez nous situer sur la carte. Ah mais je vous vois bien, vous arrivez au 5e kilomètre de cette balade aujourd'hui. Et puis on va faire le bond là, 5 kilomètres, revenir ici au lieu de départ pour retrouver Stéphane Piedbœuf. Et Stéphane Piedbœuf, vous êtes en galante compagnie. Oui, je suis avec Minou, Philippe, depuis la consoerie des secrets de Dame Gertrude, où il n'y a que des femmes dans cette confrérie. Alors, je vois Minou, pourquoi vous l'avez choisi. Oui, en plus, il y a des blondes, et je parle de bière ici. Elle est brune, elle s'appelle donc Minou. Pourquoi cette confrérie ne comporte que des femmes? Alors d'abord, c'est une consoerie, on tient très très fort à ce mot-là. Nous sommes la seule en Belgique. Alors que des femmes, mais parce que tout simplement, il y avait la tarte à jot où ils ont dit Pont-de-Coumer, comme on dit à Nivelles, donc pas de femmes. Et on s'est dit que bon, il fallait quand même qu'on gère ça et que rien que des femmes, c'est beaucoup plus sympathique. Alors, il y a de quoi rivaliser avec la tarte à jot. À noter que les amis de la confrérie, on dit bien confrérie de la tarte à jot, ne sont pas sur le stand actuellement. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, il n'y a que les femmes qui travaillent en ce moment. Et justement, qu'est-ce qui concurrence un petit peu la tarte à jot? Parce qu'il y a des bonbons, les bonbons de Nivelles notamment. Oui, on appelle ça le canestia. C'est un bonbon qui a été remis à l'honneur. C'est un bonbon qui a été donné par Gertrude aux gens importants qui arrivaient dans la ville de Nivelles. Et ce bonbon a été simplement remis à l'honneur. Et bon, voilà, c'est notre bonbon à nous. Alors, il y a aussi la bière Gertrude et puis un vin pétillant aussi, les perles de Wallonie. Oui, c'est ça, les perles de la Wallonie. Donc, on essaye évidemment de rester wallon le plus possible. Et donc, voilà, on a retrouvé ces perles qui sont très, très bonnes, qui fonctionnent très bien avec le canestia, mais aussi avec nos petits salés que nos dames cartulaires font tous les ans à la Noël. Voilà, Philippe, venez découvrir donc ces biscuits, ces bonbons de Nivelles qu'on en appelle maintenant les canestia, et puis ce vin pétillant, ou encore la bière qui est délicieuse d'ailleurs. C'est promis. Très, très bonne. C'est une bière de femme en fait. Dès que je peux quitter le studio, c'est promis, je viens déguster tout ça. Nous, on va quitter la route du Beauvélo de Ravel pour retrouver dans un instant celle du Tour de France. La Une et Vivacité présente. J'ai promis à ma femme de lui décrocher la Lune cette année, mais je sais pas comment je vais faire. Ah ben moi, c'est déjà fait, la Lune. Mais comment t'as fait? À l'Eurospace Center, j'ai été. Non! Oui, et tu sais quoi cette année? Non. Avec toute la famille, On part sur Mars. Sur Mars? Oui. Mais enfin! Mais oui, à l'Eurospace Center. Bon, je peux venir avec? Ben évidemment. Allez, j'appelle ma femme. Mais tu sais quoi, on va faire une navette? Eurospace Center, E411, sortie 24. Vivacité et la 2 présente. Michel Polnareff en concert. Tous les grands classiques de son répertoire exceptionnel. Vendredi 18 novembre à Forêt Nationale. Réservation 0900 84 900, 50 centimes la minute et sur next-step.be. Bonjour, je m'appelle Martine. Bonjour Martine. Bah voilà, j'ai pas pu résister. Ça avait pourtant bien commencé jusqu'au moment où j'ai vu ce nouveau canapé design. Là, je me suis dit, Martine, résiste, Martine, résiste, Martine. Sélection meuble, c'est pas pour toi. Et puis j'ai vu ce prix. Ce sont les soldes chez Sélection Meubles à Mougis. 13 000 mètres carrés de meubles en ambiance vous attendent. Avec les conseils de professionnels, un service de livraison et de montage gratuit et des soldes durant tout ce mois de juillet. À 15 km de Tournai, Sélection Meubles à Mougis Mont-de-l'Enclus. Un jour ou l'autre, vous y viendrez. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Est-ce que vous reconnaissez ceci? À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de... Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. Vivre, vivre. retour en arrière et toutes ces routines achevées et celles qu'on ne reprendra jamais, toutes ces épreuves et ces jours maudits qui font comprendre qu'on a qu'une seule vie. On danse. M. Pokora, on danse, il est 13h39, on quitte les routes du beau vélo de Ravel pour retrouver celle du Tour de France. Tour de France 2016. Chris Froome, qui mène à ce peloton. Ce samedi 23 juillet, 20e étape, 146 500 km en montagne entre Megève et Morzine. Et c'est en montagne effectivement qu'on va aller retrouver Pierre Capard. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Philippe. Dites-moi, qu'est-ce qu'on peut aller visiter, qu'est-ce qu'on peut découvrir dans cette belle région? Plein de choses. Hier, nous avons parlé gastronomie. Aujourd'hui, on va parler un peu plus de sport, puisque nous sommes, vous l'avez dit, à Morzine, en Haute-Savoie, en plein cœur des Alpes, au pied du Mont Blanc, le plus haut sommet d'Europe occidentale. C'est une station de ski assez réputée. Plus de 600 km de pistes ici, dans les différentes stations qui entourent Morzine. Mais l'été, c'est aussi très animé avec, pour les sportifs, du VTT, des randonnées et du trail aussi, qui est très tendance, comme nous l'a expliqué Nadine Chevalier, responsable de la communication ici à Morzine. Elle est aussi spécialiste du trail puisqu'elle pratique ce sport. On l'écoute. À Morzine, on fait un petit peu tous les sports. On pratique beaucoup de sports. Donc, vous l'avez dit, l'hiver, du ski, bien entendu, mais pas que, parce qu'il y a d'autres activités qui gravitent autour de cette activité ski alpin. Et puis, l'été, on pratique un certain nombre d'activités, le VTT, bien entendu, le cyclisme, la randonnée et également le trail. Justement, le trail qui est très tendance ici actuellement depuis quelques années. Et c'est assez nouveau ici à Morzine. On peut pratiquer le trail dans un environnement exceptionnel. Ben, tout à fait. On est quand même au pied de fabuleux sommets. Donc l'environnement est juste magnifique. Et effectivement, on a développé depuis l'été dernier un produit qui s'appelle Morzine Mountain Running avec un site internet dédié pour la pratique. Et on a mis en place des circuits en fonction des niveaux. Donc ça fonctionne tout à fait comme les pistes de ski. On commence du vert et on peut finir au noir. Donc différentes boucles avec différents kilométrages. Et sur notre site internet qui est dédié, on trouve des conseils, des cartes, une application smartphone, tout ça pour permettre aux gens qui veulent découvrir cette pratique ou aux experts de pouvoir aller librement courir dans cette magnifique nature. Différents parcours, différents degrés de difficulté aussi par rapport à l'altitude notamment. Tout à fait. Ici à Morzine, on est à 1000 mètres d'altitude. Alors, c'est pas parce qu'on est en montagne qu'on a forcément tout de suite du gros dénivelé. Donc justement, on a cette phase de progression ici. On a des chemins qui sont plats montants. Mais la pratique du trail, c'est pas la pratique du marathon. C'est un mix entre la randonnée et la course à pied. Donc il faut savoir doser ces efforts-là. Et pour la première fois cette année, on organise un stage du 27 juillet au 31 juillet dédié à cette pratique-là. Donc c'est un stage de 4 jours qui permet de découvrir cette activité-là à Morzine. Et cela dans un environnement naturel forcément vivifiant aussi en haute montagne. On est à la montagne, donc forcément l'air y est plus pur. L'été, la journée, il fait bon, il fait chaud et les soirées sont relativement douces, donc on y dort très bien. Et oui, et je vous le confirme, mon cher Philippe, on y dort très bien, air vivifiant, magnifique aussi. Et puis on a de la chance quand même avec la météo pour l'instant. En tout cas, on annonce de la pluie et des orages, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a des belles éclaircies et il fait même relativement doux ici. D'accord, bah profitez-en bien et d'ici une demi-heure, on retrouvera Samuel Grulois pour savoir où en est l'étape du jour. Merci Pierre Capard, à bientôt. À bientôt. Tina Turner, Eros Ramazzotti avec Cose della Vita. Il est 13h44 bientôt et dans un instant on va retrouver bien sûr Olivier Coll et Pascal Michel en direct de notre beau vélo de Ravel. Nous sommes à Nivelles aujourd'hui. Situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Già come vedi. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true. Spent could die. I wanna feel it again. All the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. We'll be right back. Grazie della vita, Tina Turner, Eros Ramazzotti, nos héros du Ravel. On les retrouve juste après ceci. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Fanny ? Oui, monsieur ? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim ? À quel sujet ? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial ? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier ? Justement. Appelez Convert, ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. Massive est devenue Light Gallery. Profitez de remises de moins 30, moins 50 et même moins 70% sur une grande sélection de luminaires. Rendez-vous dans votre magasin à Gosselies, rue Robès ou sur lightgallery.com. Light Gallery, votre spécialiste en éclairage. Pour voir la vie en rose, changez de mobilier. Chez Tricorose, au carrefour du Roi des Belges à Anderlu, vous trouverez salon, salle à manger et chambre à coucher, le tout de qualité. Changez de mobilier durant les soldes pour voir la vie en rose. Voilà une bonne idée de chez Tricorose, au carrefour du Roi des Belges à Anderlu. Le beau vélo de Ravel sur Vivacité. Après la route du Tour de France, on retourne à la route nivelloise du beau vélo de Ravel aujourd'hui avec Pascal Michel et Olivier Coll. Et vous devez faire attention parce qu'on vous écoute bien sûr pendant que les disques tournent. Et je vous entendais dans une grande discussion philosophique il y a un instant. Boue ou bouse sur les mollets ? Ah mais on ne vous entend plus. Voilà, on ne vous entend. Vous êtes là ? Ouais, on est revenu déjà. Hein. Voilà, je s'en disais, va, non, on revient. On vous entendait tout à l'heure dans une grande discussion philosophique ici aux antennes entre boue et bouse. En tout cas, vous en avez plein le mollet, c'est oui, le cas de le dire. Mais, et Delphine Simon nous confirmait que la bouse était aussi bonne pour la peau que la boue. Mais il paraît, enfin, je n'en sais rien. En tout cas, j'en prendrai pas un bain quand même. On va pas pousser bobonne. Hein. Si vous avez hors antenne été un peu dans le cracra, restons-y. Parce que, je vous ai entendu faire l'exploit du Mont Blanc il y a 2 ans pour Cap 48. Oh, mais non, je sais ce que vous allez dire. Et vous avez été, comment dire, un peu malade. Ben oui, j'ai eu le mal des montagnes, ce qui est la un risque. La face nette, c'était le mal de mer, avec le même résultat. Effectivement. Donc, pour le dire de façon radiophoniquement acceptable, vous avez craché vos boyaux. Oui, et tout ça pour Cap 48, pour montrer que tous ensemble, ben, on peut faire des belles choses, mais malgré donc, ça. Donc, j'ai un petit peu peur, si à chaque fois vous faites une aventure physique et sportive, vous venez malade, la prochaine fois c'est pour mon dos. Bon, rassurez-vous Olivier, ici on est censé rouler pendant 2-3 heures. Oui. Le Mont Blanc ça m'a pris 4 jours. D'accord, donc. Et la face nette aussi, donc on n'en est pas à un effort pareil, rassurez-vous. Note pour plus tard, lorsqu'on fera une aventure de 4 jours à vélo, ne pas inviter Delphine Simon. Pascal, vous notez pour moi. Vous la laissez seule sur un vélo et ça ira très bien. Voilà, avec un sachet en papier dans le creux de la selle. C'est tout ce que vous avez retenu, mon Dieu. Non, on a retenu plein d'autres choses de cette aventure. C'est vrai que partir sur cette course, la face netteresse, franchement, j'avais jamais entendu parler de ça avant le projet de l'année dernière. Et pourtant, c'est une course qui est vraiment un but pour beaucoup de navigateurs là-bas oui, en Angleterre. C'est vraiment ça. Et comme vous, en fait, Olivier, je dois être honnête, j'en avais jamais entendu parler. Et c'est en me trouvant à la ligne de départ que je me suis rendu compte qu'il y avait 800 voiliers autour de moi. Je suis un peu essoufflée, nous sommes dans une montée. Excusez-moi, je ne suis pas malade, rassurez-vous. En fait, j'ai eu beaucoup de chance de faire cette course parce que c'est le but de certains navigateurs de vie, hein, un but de vie. Voilà, et la face nette, c'est en fait le nom d'un phare qu'on contourne avant de revenir. Oui, alors le phare est magnifique. Le contournement est la partie la plus difficile. Géré de bord, pas très sympa. Et on se retrouve en pleine mer d'Irlande, qui est une mer hyper agitée. Et déchaînée. Et déchaînée, où tous les bateaux se resserrent ensemble, donc c'est très fort. Déchaîné comme Pascal Michel. Pascal, on arrive là, près d'un golf. Vous allez sortir vos clubs, votre caddie. Alors, je vais pas nécessairement sortir mon golf, ni mon caddie, à part pour faire mes courses, pour changer de tandem. J'ai eu un petit souci, pour tout vous dire. Je crois que je maîtrise pas encore le changement de vitesse, mais ça va venir. Vous savez, alors, à gauche, les plateaux, à droite, les vitesses. J'ai encore quelques saisons devant moi. Non, mais avec Jérémy, vous voyez autour de nous, il y a pas mal de champs. Et en fait, ce qu'on sait peut-être pas, parce qu'on le voit pas à l'œil nu comme ça, mais c'est que ici, il y a quelques années, on a trouvé une villa gallo-romaine qui a été réenterrée depuis. Eh bien oui, il faut savoir en fait que ce château ferme golf de la Tournette date du 17, 18 et 19e siècle. Et quand on a voulu transformer les forêts et prairies en golf, eh bien on a découvert une villa gallo-romaine avec des bains et notamment une piscine d'eau chaude. Ah oui, et alors maintenant l'eau chaude, elle est toujours là. On a réenterré cette villa gallo-romaine, mais par contre tous les objets qu'on a pu y trouver sont exposés ici à Nivelles. Oui, dans le musée d'archéologie. Donc voilà, Olivier, alors c'est vrai qu'il fait très lourd cet après-midi pour rouler à vélo. Donc on va peut-être faire une impasse sur la piscine d'eau chaude, bien qu'un bon petit bain à froid, ça me prend bien fou. Ah ben quoique, pourquoi pas, une petite piscine d'eau chaude. Moi je dis oui quand même, Pascal. On n'en est pas encore là, hein. Il y a encore quelques bornes à faire. On met le cap sur Bollers, Philippe. Ce sera tout à l'heure la Altra Vito où nous attendra le chef Laurent de Lenneur qui va nous préparer des légumes et des fleurs. Si, si, ça se mange, c'est même du circuit court. Ah oui, Bollers, c'est là qu'il y avait un circuit de Formule 1 dans le temps qui est devenu aujourd'hui un zoning industriel. Vous passerez par là tout à l'heure, effectivement, du côté du 15e kilomètre de cette balade. Retour à la musique sur Vivacité. 13h, 16h, le beau vélo de Ravel sur Vivacité. Il est 13h52 minutes. Visit my world, did history, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Visit my world, did history, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Yol sur Vivacité avec 100 Miles. Le beau vélo de Ravel sur Vivacité. 13h55 minutes et on revient ici au village étape du beau vélo de Ravel à Nivelles avec vous Stéphane Piedbeuf et vous êtes quasiment d'une certaine manière à la halte ravitaillement puisque vous êtes proche de gens qui sont de la ferme du chapitre de Bollers. Effectivement, à quelques encablures de votre studio, Philippe, nous sommes à Bollers en train de boire du vin rosé, du vin blanc, puisqu'il y a 40 000 pieds de vigne là-bas. Alors tout à l'heure, c'était la bière, maintenant c'est le vin blanc et le vin rosé. Vous avez vraiment une sélection assez ciblée, hein? Oui, tout à fait. En plus, je suis avec monsieur le président de la SBL du côté des champs de Bollers. Et donc, on voit un géant qui ressemble un petit peu à Tchantché, hein, pour les Liégeois qui nous écoutent. C'est un peu ça, hein, c'est vrai, c'est le même habit? C'est plus ou moins le même habit. En fait, c'est le sarrau traditionnel, hein, donc avec le petit foulard rouge, donc que les gens portaient surtout au 19e, donc hein, pour aller travailler. Donc c'est voilà, c'est un peu la salopette d'aujourd'hui. Et vous êtes tous habillés comme ça ici. Alors 40 000 pieds de vigne, c'est pas trop difficile de cultiver des vignes en Belgique? C'est-à-dire que ce n'est pas la SBL qui cultive ces vignes, c'est donc la ferme du chapitre, donc la famille Autier, qui a planté 40 000 pieds de vigne effectivement à deux endroits différents de Bollers, mais qui fait toujours partie de, anciennement du chapitre des chanoinesses donc de Nivelles. Voilà, et actuellement, donc, ils ont pu, disons, sortir deux vins, donc un vin rosé et un vin blanc. Et pour octobre 2017, ce sera un vin rouge qui va sortir à son tour, puisqu'actuellement, il a été mis donc dans des barriques de chêne. Voilà, donc effectivement, ça prend du temps, évidemment, de créer du vin. Hein. Mais ce n'est pas seulement le fait de le récolter. Je pense que les propriétaires ont fait un très grand travail durant l'année, hein, parce qu'il faut entretenir donc, ces vignes donc, de façon très biologique. Donc voilà, maintenant nous ici, l'ASBL du côté des champs, donc, qui est devenu aussi les vendangeurs du chapitre, nous avons participé l'an dernier pour la première fois donc en septembre-octobre aux premières vendanges. Et de là est née donc cette confrérie, quoi. Voilà, magnifique. Donc venez la découvrir hein, ici, la ligne d'arrivée. N'hésitez pas à venir goûter soit du vin blanc ou du vin rosé. Moi, personnellement, j'ai goûté le vin rosé délicieux, franchement, digne d'un Côte de Provence. Et Pascal, Michel, d'ailleurs, Olivier, a goûté le vin blanc tout à l'heure. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il tombe à vélo. Effectivement, sans doute. En tout cas, la ferme du chapitre, vous la visiterez tout à l'heure, puisque c'est la halte ravitaillement, le porche et la porte cochère en arc sur BC, les bâtiments qui l'entourent, tout ça, ça date du 18e siècle, tandis que la date de 1625 apparaît sur l'étable et qu'une pierre au pignon du logis est sculptée aux armes d'un chanoine. Et elle s'appelle tout simplement la ferme du chapitre, parce qu'elle appartenait autrefois à la seigneurie du chapitre de Nivelles. Nous allons se quitter quelques instants, juste le temps de retrouvez les informations de 14h sur Vivacité. Le beau vélo de Ravel revient juste après. Méga solde chez Plumard. Jusqu'à moins 65% sur des centaines de matelas, sommiers, lits, box springs, linge de lit. Plumard, bien dormir est totalement. Il y a toujours un Plumard près de chez vous, à Mézières, Wamuel et Châtelineau ou sur plume-art.be. Plumard. Rêve intérieur solde, jusque moins 60% chez Rêve intérieur. On en parle partout, à la radio, à la télé. Bah, c'est l'événement à ne pas rater, logique qu'on en parle partout. L'événement? Pourquoi? En plus des soldes, c'est leur anniversaire. Ils font des conditions exceptionnelles, jusque moins 60% sur plus de 70 canapés haut de gamme. Des salons avec relax, en cuir ou en tissu, et de stock en plus. Découvrez les soldes et conditions anniversaires de Rêve intérieur dans nos magasins de Gosselies, La Louvière et Carnion. Retrouvez nos promos sur rêveintérieur.be. Elle est pas belle la vie? Chez Bricoplanet, c'est mercredi 20, vendredi 22 et samedi 23 juillet, moins 21% sur un article au choix. Plus d'infos sur planet.be. Bricoplanet, tout pour la maison. Vivacité et Ouf TV présentent Waouh! Londres, Paris, Berlin, Mini Europe. Un monde miniature où vous attendent 350 monuments reproduits à la perfection. Flânez dans ces superbes jardins et actionnez les nombreuses animations interactives. Mini Europe, c'est géant! Et ensuite, plongez dans l'Océade à côté de l'Atomium. Vivacité, il est 14h, on s'informe en compagnie de Justine Hermans. Bonjour à tous. Avant dernière étape du Tour de France aujourd'hui, les coureurs sont partis depuis un peu plus d'une heure. Le Belge Thomas de Gent veut devenir le super combatif du Tour. Il est donc passé à l'attaque, Samuel Grulois. De Gent, nominé parmi les 8 candidats à ce titre de coureur le plus offensif du Tour, aux côtés d'Alaphilippe, Costa, Froome, Maika, Pantano, Sagan, Froome et un deuxième Belge, Greg Van Avermaet. En attaquant aujourd'hui, le coureur de chez Lotto Soudal espère faire pencher la balance de son côté. On connaîtra l'heureux élu ce soir. De Gent est passé en tête au sommet du col des Aravis. Il a depuis été repris dans la descente à l'approche du sprint intermédiaire du Grand Bornand remporté par Matthews. Devant De Gent, qui est tellement déçu d'avoir perdu son maillot à poids qu'il va sauter sur tout ce qui bouge ce samedi pour devenir super combatif. De Gent fait partie d'un groupe de 29 coureurs où l'on retrouve aussi, outre Matthews, Sagan, Stuyvens, Nibali, Pantano, Zakarin ou encore Alaphilippe. Le peloton est pointé à 2 minutes 14. Il est emmené par les skies de Froome. Il reste 110 km et nous sommes sous la pluie dans l'ascension du col de la Colombière. Merci Samuel Grulois sur le Tour de France. Et demain, dernière étape et l'arrivée sur les Champs-Élysées à Paris. La sécurité sera particulièrement renforcée. Des policiers se trouveront sur le parcours emprunté par les cyclistes. Des barrières seront installées pour accueillir les spectateurs et les terrasses seront fermées et vidées sur toute l'avenue des Champs-Élysées. La tristesse partout en Allemagne et la ville de Munich sous le choc après la fusillade d'hier soir. 9 personnes ont perdu la vie, 5 ont moins de 18 ans. Parmi les victimes, 3 Kosovars, 3 Turcs et 1 Grec. Le nombre de blessés s'est alourdi, 27 au total. L'auteur de la fusillade, lui, s'est suicidé après l'attaque. Il a agi seul. Il n'a aucun lien avec le groupe terroriste État islamique. La police l'a confirmé. Il s'agit d'un jeune homme de 18 ans, un germano-iranien. Il est né et il a grandi à Munich. Selon la police, il était suivi sur le plan psychiatrique. Il souffrait d'une forme de dépression. Les enquêteurs penchent pour l'instant pour la piste d'un forcené. Ils ont retrouvé des éléments qui montrent que le jeune homme se préoccupait des questions liées aux forcenés et aux auteurs de tueries, notamment des livres et des articles de journaux. Selon la police, le lien est évident avec le tueur norvégien Breivik, un extrémiste de droite. Il avait tué 77 personnes il y a 5 ans, jour pour jour. En Afghanistan, un kamikaze se serait fait exploser durant une manifestation pacifique à Kaboul. L'agence France Presse parle d'au moins 50 personnes tuées et blessées. Il s'agirait donc d'un attentat suicide. En Turquie, 1200 militaires ont été relâchés selon le procureur d'Ankara. Ils avaient été arrêtés après le coup d'état manqué de la semaine dernière. La météo, le temps est instable aujourd'hui, surtout sur l'est et le centre du pays. Avec des averses, elles sont parfois orageuses. À l'ouest, il fait un peu plus sec, beaucoup de nuages et des éclaircies aussi. Les températures entre 22 et 24 degrés à la côte et en Ardennes, et de 25 à 27 degrés dans les autres régions. RTBF Mobile Info, on file sur les routes avec vous, Pierre Collard-Bovy. Oui, avec un accident sur la nationale 59, Gauzé-Senef, c'est entre les kilomètres 30 et 31, et la chaussée est carrément ferme à la circulation dans les deux directions. Rassurez-vous, des déviations locales sont mises en place pour vous faciliter la vie malgré ce problème, évidemment. Alors, concernant les ralentissements aux frontières françaises, sur le 40e et Calais, vous ralentissez toujours entre Dunkerque et Givelles, mais c'est plutôt une circulation dense, au plus ou moins 1 km. En revanche, sur le 17 Courtrai-Lille, entre Albec et Paradise, les fils se résorbent. Sur le 19 Mons-Valenciennes, entre Boussu et Anzy, là, il subsiste quand même un ralentissement sur 5 km et vous perdez toujours une quarantaine de minutes. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et le beau vélo de Ravel continue sur Vivacité. Effectivement, merci Justine Hermans. On retrouve l'info, bien sûr, tout à l'heure sur le coup de 15h sur Vivacité. Le beau vélo de Ravel sur Vivacité. Et puis on ira faire un saut aussi du côté de l'étape du jour du Tour de France aux alentours de 14h30 avec Samuel Grulois. C'est Olivier Dillon qui arrive de mes propres ailes. Je sais ce que je laisse, c'est à contre-cœur. Mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Je sais ce que je blesse, je vois leur douleur. Mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Comme un bon levier. Je nais, c'est fait d'erreurs. Qu'on en paye un jour les revers et contre-coups. Mais à quoi sert qu'on naisse? À quoi sert qu'on meure? Sans avoir vécu ses rêves, même les plus fous. Quand un bon levier. Mais il faut s'en aller. jamais rien regretter, partir pour tout commencer. Oh oh, sans vous oublier, sans ne jamais me retourner, partir là où. Il est 14h07 sur Vivacité et on écoutait à l'instant Olivier Drion, De mes propres ailes. Le beau vélo de Ravel sur Vivacité. Et là, apparemment, c'est dans une côte et c'est de mes propres mollets plutôt, Olivier Coll. Ouais, bah des ailes, je vois bien en avoir hein, pour le moment. Un peu comme celle du drone qui nous survole. Les superbes images de cette région que vous verrez demain. C'est à 18h05 sur la Une en télé. Bon, je vais arrêter de faire Nicolas Hulot en direct, Delphine. Les paysages que vous découvrez aujourd'hui, vous en pensez quoi quand on quitte le centre-ville de Nivelles? Ça devient de suite très campagnard et on reconnaît ce paysage de l'Ardenne brabançonne, comme on appelle cette région. Et c'est là que je vais faire Nicolas Hulot, parce que je suis dans le même état que vous, j'ai plus d'air. C'est magnifique, franchement c'est vraiment très beau. J'ai vu des champs de maïs, il y a des champs de pommes de terre ici à notre droite, si je ne me trompe pas. Je découvre une région que je ne connaissais vraiment pas bien et qui pousse à la promenade, qui pousse à la balade. Je convie tout le monde à venir découvrir ça avec des luminosités différentes, c'est vraiment très très joli. Le seul qui ne manque pas d'air aujourd'hui, c'est Jérémy derrière vous, Pascal Michel. Ah oui, parce que moi j'ai de la chance, Jérémy c'est un grand sportif, donc vous savez quand il y a une petite montée comme ça. Mais moi aussi Pascal. C'est votre locomotive. C'est ma locomotive. Alors Jérémy, justement vous êtes le local de l'étape, hein. On vient de passer à côté d'un moulin, c'était quoi le nom de ce moulin encore? Oui, eh bien nous étions donc chemin Saint-Pierre, et là il y a bien un moulin, date de 1845, qui a été rénové en 2000. Et la particularité de ce moulin, parce qu'on peut se dire, ouais, c'est pour la farine, etc. Pas du tout. Eh bien c'est non, pour l'industrie papetière du exactement. Coin. Exactement. Et la pâte à papier était ensuite acheminée via des caniveaux vers les entreprises directes. Et cette industrie papetière, elle est toujours bien présente. Hein, ici à Nivelles, il y a toujours des papeteries un peu partout. On est dans la vallée de Tignes ici. On est dans la vallée de Tignes ici. Et là, on passe. Pour dans tout vous dire, dans un petit ruisseau, ça, en fait là, c'est la route qui est inondée. Et donc là, normalement, vous devez vous ramasser quelques petites éclaboussures pour vos mollets, Olivier. Non, pas du tout. Écoutez, j'ai eu l'audace de mettre un short blanc aujourd'hui. Ah, la belle idée. Oui, sans compter sur les précipitations de ce matin, mais je préfère les avoir vues ce matin que cet après-midi. Delphine, maintenant que vous avez retrouvé tout votre souffle, votre sourire légendaire qui fait plus que se voir, on l'entend, et c'est ça qui est très très chouette pour ceux qui nous écoutent cet après-midi en direct sur Viva. On a parlé en début d'émission de votre rôle de manager, en laissant le suspense autour de ce qu'est votre mission d'aujourd'hui, puisque vous avez donc mis votre carrière de journaliste à la RTBF, entre guillemets, pour devenir manager d'un club de hockey. Alors c'est un peu, pour si on fait le pendant avec le foot, le même rôle que le directeur général d'une équipe de foot? En fait, en gros, je ne m'occupe pas du sportif. Je m'occupe de tout ce qu'il y a autour du sportif pour que les joueurs, les membres se sentent bien dans leur club. Je vais m'occuper effectivement du terrain, de l'éclairage, l'infrastructure, les relations aussi avec la fédération, le sponsor, tout ce qui permet de faire en sorte que les membres se sentent mieux et toujours mieux. Là, on va passer dans de la boue, c'est pour ça que je me concentre. Je connais mon nouveau job, mais par contre, je ne connais pas encore ce chemin avec le beau vélo de Ravel. On est vraiment ici dans une grosse flaque de boue. Oui, qui va durer 200-300 mètres. Le rôle de manager, alors, quelques questions. Si oui. Il faut aller chercher des sponsors, est-ce que c'est votre job? Oui, tout à fait. Je suis appuyée par des membres du conseil d'administration, mais effectivement, ça va être mon job de m'occuper d'aller chercher des nouveaux sponsors, de vérifier bien qu'on a tous les subsides qui sont possibles pour d'accord. Un club de sport aussi, par exemple. S'il faut faire un déplacement à l'étranger, qu'il faut réserver des hôtels. Ah, je peux aussi m'occuper de ça. Effectivement, vous pouvez penser à tout ce qui tourne autour du confort des joueurs. Donc faire en sorte qu'eux ne se concentrent plus que sur leur sport, leurs compétences, leurs challenges. Si un filet de goal qui est troué. Aussi, je vais m'assurer de trouver la personne qui va faire la bonne réparation. D'accord. Donc, en fait, vous êtes en plein dans le milieu. Vous dites que ce n'est pas du tout un rôle sportif, mais ça l'est tout à fait. Mais c'est un peu octopus, vous voyez, les pieuvres. Oui. J'ai huit bras, je fais huit fonctions différentes en même temps. Mais c'est vraiment hyper agréable parce que c'est dans un environnement sportif et hyper positif, évidemment. Et vous restez toujours un petit pied dans la RTBF, puisque vous venez une fois par semaine faire un coucou dans l'émission de Sarah de Padua. Avec Pascal Michel, effectivement, que j'ai toujours du plaisir à retrouver le jeudi matin en général pour faire des chroniques sur tout ce qui concerne les tendances pour les jeunes, que ce soit des livres, des jouets, des jeux de société. C'est donner des idées aux parents. Et voilà, on en sait un peu plus en tout cas sur votre nouvelle vie, votre nouvelle carrière, celle de manager de ce Royal Ombrage Hockey Club situé à Woluwe-Saint-Pierre en région bruxelloise. Voilà Philippe Delmel, la nouvelle vie de Delphine Simon. Eh oui, à mon avis, elle n'a plus beaucoup de temps pour elle avec un métier pareil. Fanny ? Oui, monsieur ? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim ? À quel sujet ? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial ? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier ? Justement. Appelez Convert, ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. Les aires d'autoroute, ce n'est pas pour les cochons. En cas de dépôt sauvage de déchets, votre amende sera au minimum de 150 euros. La propreté des aires, ça se respecte. Une initiative de la Sofico, avec vivacité. Mais qu'est-ce qu'il nous faut là ? Maintenant chez Poincaré, c'est moins 70% sur tout le magasin à l'achat de 5 articles hors exception. Moi j'y vais maintenant. Alors vous, attendez un peu, ça serait gentil. Poincaré, j'adore. Plus d'infos sur poincaré.eu. Mais Patrick, tu vois bien que c'est pas pour nous. Y a pas un seul meuble en kit, il livre et il monte. Oui, mais enfin, on peut jeter un petit coup d'œil quand même. Non, non, c'est beaucoup trop chic, je te dis. Regarde-moi cette salle à manger, ça doit coûter une fortune. Bah non, je pense pas. Regarde le prix. C'est pas possible. Ça doit être le numéro de référence. Non. Hein ? Ce sont les soldes chez Sélection Meubles à Mougy. 13 000 mètres carrés de meubles en ambiance vous attendent. Avec les conseils de professionnels, un service de livraison et de montage gratuit et des soldes durant tout ce mois de juillet. À 15 km de Tournai, Sélection Meubles à Mougy Mont-de-l'Enclus. Un jour ou l'autre, vous y viendrez. En télé, sur la une. La victime est un célèbre avocat. Meurtre à Samdam. Connaissez-vous le mobile du crime ? Actuellement, nous collectons des informations. Plus nous en savons sur lui, plus nous avons de chances de trouver le tueur. Meurtre à Samdam, la saison 2, dimanche soir sur la une. On dirait un putain de Cluedo. Vous le savez, il y a deux candidats qui s'opposent aujourd'hui pour pouvoir gagner une place au beau vélo dans le Luberon. Ça s'appelle l'échappée belge. Et ils seront opposés tout à l'heure à la halte ravitaillement. On sera dans le village de Gollers, près de la ferme du chapitre, opposés dans un quiz. You're feeling ça se dit tout simplement Smile. Il est 14h17 et on va rejoindre notre village ici au parking Saint-Roch avec vous, Stéphane Piedbeuf. Il y a chaque semaine dans l'étape, dans le village étape du Beauvélo de Ravel, des familles d'accueil qui vivent une aventure humaine formidable. Vous êtes justement parmi certaines familles d'accueil. Oui, j'ai envie de dire buongiorno Véronique. Bonjour à tout le monde, buongiorno. Voilà, vous êtes une heureuse maman d'accueil. Alors avant toute chose, je vais vous poser la question que tout le monde se pose finalement. C'est quoi être une famille d'accueil? C'est accueillir des enfants qui ont un besoin dans l'immédiat ou pour longue durée. Ça peut être pour 45 jours ou pour un long terme si vous êtes famille d'accueil de longue durée, comme on appelle. Alors qui sont ces enfants qui ont besoin d'une famille d'accueil? C'est des enfants qui malheureusement n'ont pas des parents qui peuvent vraiment les suivre ou que des mamans seules qui ont besoin d'une aide pour une période courte ou plus longue ou vraiment des enfants qu'on doit placer parce que les parents ne sont pas présents du tout. Voilà, vous êtes une heureuse maman d'accueil, vous le disiez. Parlez-nous de votre expérience. Qu'est-ce qui est enrichissant dans cette aventure d'être maman d'accueil? De voir tous ces enfants et de pouvoir au moins pour une période les rendre heureux et leur passer un peu d'amour qu'ils n'ont pas dans leur famille. Alors qui peut devenir famille d'accueil? Parce que c'est un petit peu ça l'objectif du stand ici, c'est de dire bah, tiens, vous aussi vous pourriez peut-être devenir famille d'accueil. Tout le monde peut devenir famille d'accueil, même des personnes seules. Il faut seulement aller sur les sites des différents services, il y en a 18, pour faire accueil d'urgence ou accueil de longue durée. Vous passez des entretiens avec les psychologues et les directeurs des différents services et vous pouvez devenir famille d'accueil. Voilà, c'est lesfamillesd'accueil.be. Alors pour l'instant, vous accueillez qui? On peut savoir, enfin, des enfants de quel âge? Nous, on a choisi d'accueillir des enfants de 0 à 3 ans parce que c'est celles qui ont plus de besoins pour le moment, il y a plus d'urgence. Mais sinon, on va passer quand même à des enfants plus grands. Il y a seulement le problème en Belgique qu'on n'a pas beaucoup d'aide au niveau des écoles et tout. Alors, il faut nous-mêmes aller dans les écoles pour chercher des collaborations et tout pour pouvoir accueillir tous les enfants, même les scolarisés. Voilà, donc les accueillir dans les classes, etc., pour qu'ils aient une scolarité, qu'ils aient une vie finalement comme les enfants doivent l'avoir. Voilà, c'est ça. Et c'est pas toujours évident. Il y a des villages ou des villes qui sont plus prédisposés, ils ont plus de place. Et il y en a d'autres où il y a moins de place, mais il y a aussi les CPAS qui peuvent aider dans cette recherche. Voilà, donc si vous aussi, bah, vous souhaitez vous renseigner, hein, ne devenez pas tout de suite famille d'accueil, mais venez au moins sur le stand ici, comme ça, ça vous sensibilisera. Il y a pas mal de conseillers qui vous indiquent bah, tiens, comment faire pour devenir famille d'accueil, en quoi cela consiste, etc. Et il y a un site internet aussi que l'on peut donner pour ceux qui n'auront pas l'occasion de venir nous rejoindre ici à Nivelles. C'est lesfamillesd'accueil.be, Philippe. Lesfamillesd'accueil.be, la famille d'accueil, une aventure humaine formidable. Ils sont à chaque étape du Beauvélo de Ravel, donc ils sont avec nous aujourd'hui ici à Nivelles et ils seront la semaine prochaine avec nous, notamment à Moresnet. L'Archéocyte et Musée de Béchy-Belleuil vous propose un voyage à travers le temps. Chaque dimanche après-midi, rencontrez nos artisans au travail. Forgerons, tailleurs d'os, bronziers, tisserands, potiers. Découvrez également notre espace muséal axé sur les cultes et croyances antiques. Info 069 67 11 16 ou archéocyte.be. Avec vivacité. Vous désirez tout savoir sur l'agriculture, l'agroalimentaire ou sur comment réduire le gaspillage? La foire de Libramont est une vitrine exceptionnelle de la ruralité. Ce dimanche, retrouvez Ces années-là de 10h30 à 13h en direct de la foire de Libramont avec Jean-Marc Dessert. Sophie, ça va? C'est bon la confiture materne sur les doigts? C'est trop bon. Merci les fruits. Merci materne. Et sur une tartine, t'as déjà essayé? Ah bah oui, c'est encore meilleur. Jusqu'à 16h, le Beauvélo de Ravel sur Vivacité. 14h22 et d'après mes calculs, vous devez approcher sérieusement de la halte ravitaillement là. Évidemment, parce qu'on se réjouit d'aller manger, enfin déguster ce que le chef Laurent nous aura concocté tout à l'heure. Je cherche le micro pour aller à hauteur de Francis Hubin. Francis qui a fait un modèle été de nos chemises du Beauvélo 2016. Vous êtes couturière, vous, hein? Bah oui, justement, après l'étape d'Oupeille où il y avait une certaine chaleur, là, j'ai pris la décision de raccourcir un peu la chemise. Francis, j'aimerais vous poser une question. Oui. Parce que souvent, on nous dit je viens au Ravel, je viens au Ravel, je viens au Ravel. Or, c'est le vélo de Ravel. Je viens au beau vélo de Ravel. Alors, le beau vélo de Ravel. Résumer, c'est le beau vélo, parce que le Ravel, c'est autre chose. Voilà, le beau vélo de Ravel, c'est une émission radio et télé qui fait un circuit à vélo d'une trentaine de kilomètres et qui emprunte en partie le réseau autonome des voies lentes, le Ravel. Donc, d'anciennes lignes de chemin de fer désaffectées qui ont été aménagées en voie verte ou de chemin de halage. Mais l'entièreté du parcours, la boucle de 30 km, n'est pas le réseau autonome de voies lentes. On emprunte souvent 80% des chemins de remembrement, comme aujourd'hui dans l'Ardenne brabançonne, mais qui a été arrosé par un orage cette nuit. Et ce matin, le terrain est assez arrangé. Effectivement. Alors, le meilleur exemple que le beau vélo et le Ravel, c'est deux choses différentes, c'est ce qu'on a fait mercredi soir, la nuit du Ravel. Et là, c'était pas les organisateurs du beau vélo qui étaient à la manœuvre. Voilà, donc la nuit du Ravel, dans le cadre des 20 ans de Chemin du Rail, c'est 365.be, Wallonie-Bruxelles-Tourisme et Chemin du Rail qui ont mis sur pied. Cette nuit du Ravel, on en avait fait une au Réveillon en 2000. 2001, flambeau Ravel ligne 38. Là, il y avait 2500 personnes pour la nuit du Réveillon. Et ici, nous étions 400, mais pour la nuit complète. À vélo au départ de Namur, direction Floref, une petite halte à Floref. Ensuite, Fosse-la-Ville. Avec un concert du Grand Jojo. Un concert d'enfer. Et son orchestre évidemment. Au complet, 15 musiciens. Concert jusqu'à minuit et demi. Puis on est reparti à vélo, direction Mettez par le Ravel. Là, vraiment le Ravel, ancienne ligne de chemin de fer. De nuit, hein. De nuit. Ensuite, direction de l'abbaye de Maretsou, toujours par la vallée de la Molinière et par le Ravel. Une halte à Maretsou, vers 3h du matin, où vous avez fait un petit somme. Oui. Sur un banc. Voilà, sur un banc. Nécessaire. Et puis on est reparti pour prendre la direction de la vallée de la Meuse. Au musée de la fraise à Ouépion. Voilà, et là c'est un Ravel d'eau. Donc Ravel sur les chemins de Halage en bord de Meuse pour rejoindre Ouépion et puis terminer à Namur à l'auberge de jeunesse pour le petit déjeuner. Et quel ça village. À 7h du matin. Oui, le bandeau de lumière de LED à l'avant des vélos sur des centaines de cyclistes de le long de la Meuse et le reflet de tout le cortège de cyclistes dans la Meuse, dans l'eau. Donc ça faisait un double peloton. Voilà, petit résumé Philippe de ce que vous avez vécu avec nous en partie lors de l'émission de cette nuit du Ravel mercredi soir, la veille de la fête nationale. Et je suppose qu'on pourra voir quelques images. Je suppose qu'on pourra voir quelques images dans l'émission de télé de demain. Eh bien évidemment, vous verrez des images, un reportage ficelé par l'équipe du Beau Vélo sur cette nuit du Ravel, avec tout ce qui s'est passé de jour comme de nuit, avec des images qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce que nous, il fait toujours clair quand on roule samedi après-midi. C'est le cas en ce moment, à 14h25. On va vous laisser souffler un petit peu, on va retrouver un peu de musique là sur Vivacité. Il mélange au fond de sa tasse du miel. Il regarde par le vasistas le ciel. À chaque fois que passe un avion, il se dit que c'est peut-être elle qui passe au-dessus de sa maison. On lui a dit qu'elle était au ciel. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin. partir d'un portrait. Il s'appelle Calogero, c'était le portrait. 14h28 minutes, grand temps de s'intéresser au Tour de France, on y arrive juste après ceci. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvoies, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc et pff, c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. La 2 en télé. Cette année, la Supercoupe opposera le club de Bruges, champion de Belgique en titre, au Standard de Liège, vainqueur de la Coupe. Qui l'emportera ? Club de Bruges, Standard, un match à suivre en direct ce samedi sur la 2. Pas besoin d'aller si loin pour trouver des meubles qui vous font voyager. Avec Sentier du Monde, des meubles tendance contemporains et de qualité. Profitez de soldes exceptionnels, jusqu'à moins 70% sur les meubles, la déco et le luminaire. Sentier du Monde, meubles et déco du monde depuis 20 ans. National 5 à Gosselies. Tour de France 2016. Ce samedi 23 juillet, 20e étape, 146 km 500, en montagne, entre Mégève et Morzine. Et sur la ligne d'arrivée à Morzine, on va retrouver Samuel Grulois. Bonjour Samuel. Du jour, le premier, c'est... Oui, dites-moi. Oui, je ne vous entendais pas. Voilà, maintenant je vous entends. Et là, vous m'entendez maintenant. Merveilleux. Là, vous m'entendez. Magnifique. Sachez donc, je vais répéter pour que vous compreniez bien ce que je veux vous expliquer. Les coureurs ont franchi les deux premiers cols du jour. Le premier de ces deux cols, c'était le col des Aravis, qui pour l'anecdote, était d'ailleurs sur le parcours de la toute première étape alpestre de l'histoire du Tour de France, le 10 juillet 1911. 105 ans plus tard, c'est un Belge qui est passé en tête. Thomas de Gendt qui veut terminer deuxième du classement du meilleur grimpeur, classement d'ores et déjà dans la poche du Polonais Rafał Majka. Il veut aussi, si possible, être élu coureur le plus combatif du Tour. Souvenez-vous, dans le film Papy fait de la résistance, il y avait super résistant. Eh bien, sur la grande vadrouille, il y a super combatif. C'est le titre officiel. Et De Gendt rêve de ce titre à défaut du maillot à poids. Et donc, au sommet de la Colombière, c'est encore lui qui est passé premier devant Pantano. Ils sont 25 dans cette très grosse échappée. Il y a là Henao, Izaguirre, Oliveira, Nibali, Fuglsang, Peter Sagan, comme toujours, Gashtower, Gauthier, Goujard, les trois coureurs d'AG2R, Kelderman, Bennett, Pantano, Schleck, Slachter, Van Baarle, Conrad, Zakarin, déjà vainqueur d'étape, Thomas de Gendt, dont je viens de vous parler, Galopin, Chavanel, Jean Desbose, Alaphilippe et Michael Matthews. Et puis il y a aussi, et c'est important, Roman Kreuziger, le mieux classé au classement général, 12e à 9 minutes 45 de Froome, avec le classement virtuel, puisqu'il compte 5 minutes d'avance sur le peloton, avec le classement virtuel recalculé, eh bien Kreuziger deviendrait 5e du classement général. Il y aura donc sans doute réaction en tête du peloton. Dans les prochains kilomètres, le peloton emmené par les Sky du maillot jaune Christopher Froome qu'arbore un pansement, un joli petit pansement sur le coude droit, un autre sur le genou droit. Après sa chute d'hier, il a refusé toutes les interviews et ce matin, c'est son directeur sportif Nicolas Portal qui est venu donner des nouvelles aux journalistes. On l'écoute. Ça va, il a passé une bonne nuit et puis il y a aucun problème, tout va bien. S'il bouge un peu, il aura quelques douleurs, mais bon, après c'est normal, après une chute on ne peut pas être à 100% complètement, mais voilà, hier c'était un bon petit coup de pied au cul, si on veut dire. On se dit hop, faut être attentif, quoi, attentif à tout. Quoi. Quand on voit ce qui est arrivé au Ventoux, ce qui est arrivé hier, bah, finalement on se dit que Chris Froome, il ne peut rien lui arriver dans ce Tour de France, il passe à travers tout. Ouais, on peut se dire ça, c'est sûr. Bah, c'est vrai qu'on ressent que Chris est vraiment... Je pense qu'il est au top de son jeu, quoi. Il est bon partout et même quand il tombe, il arrive sur un autre vélo d'un collègue à lui à juste perdre quelques secondes en haut, donc après une chute. Et, ouais, je pense que c'est clairement le... Tout le monde s'accorde à dire que c'est le coureur le plus fort du Tour, quoi. Des propos de Nicolas Portal recueillis par Jérôme Elguers. Il reste 88 km avant Morzine. Et comme hier, il pleut par épisode sur le Tour, avec même des séquences orageuses. La prochaine difficulté, ce sera le col de la Rama. D'accord, on vous retrouve bien sûr de demi-heure en demi-heure sur Vivacité. Et puis bien sûr, émission spéciale pour l'arrivée du Tour de France tout à l'heure à partir de 16h. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Il est 14h33 minutes. Où en êtes-vous, Olivier Coll? Près de la halte ravitaillement ou à proximité? Olivier Coll? Philippe? Oui. Ben écoutez, c'est Pascal, c'est pour vous dire qu'on. Ben oui, on a la halte ravitaillement. Évidemment, il faut un peu se reposer. Alors, c'est vrai qu'on en profite, les différents cyclistes qui ont participé à ce parcours avec nous, plus ou moins vallonnés, on peut pas se le cacher, sont en train de se déshydrater. Enfin, non, ils étaient déshydratés. Ils vont s'hydrater plutôt. Ils se réhydratent. Avec notamment des jus de fruits, avec des fruits, etc. Et puis, si vous êtes avec nous ici autour, il y a notamment de la bière. Alors, on a parlé de pas mal de choses depuis le début de cette émission. On a parlé de la Partaljo, de vin, de bière. Et là, j'ai la Belgo Sapiens. Alors, la Belgo Sapiens, qu'est-ce que c'est? C'est une bière ici de Nivelles. Oui, bonjour. Brassée à Nivelles, à la rue du Travail, depuis un peu moins d'un an. Mmh. Nous brassons 4 bières de caractère, avec de l'amertume également, parce qu'on aime bien le houblon. La bière de caractère, souvent, c'est de la bière, genre on en boit une et c'est tout, quoi. Pas du tout, parce que justement, on aime bien en boire plutôt 3-4, et donc on a des bières plutôt légères. On a notre Pils, la Polarius, qui est une fermentation basse, qui est à 5% d'alcool. La Blanche de Tin, petite référence à l'étape régionale, qui est une blanche très désaltérante parce que aromatisée avec du gingembre. Et puis Tin, c'est quand même le ruisseau qui oui, arrose ici la région de Nivelles. Hein. Bon, on ne pompe pas dans la Tin pour produire la bière, je vous rassure. Mais par contre, donc on a 4 bières qui sont plutôt légères en alcool, entre 4, 8 et 6% d'alcool. Donc voilà. Et après, on est pour sportif, c'est le genre de choses qu'on peut boire pour se faire plaisir. Oui, ça fait toujours du bien. Et puis, pour continuer à faire du sport après pour éliminer tout ça. Alors, je peux vous dire que dans un instant, on va retrouver nos candidats du jour, justement pour se prêter au quiz concernant Nivelles. Il y a encore pas mal de choses qui nous attendent aussi dans le courant de cet après-midi, Philippe. D'accord. Et puis moi, je peux vous dire que, jetez un petit coup d'œil sur la carte, je vois que vous êtes du côté de la ferme du Chapitre. Vous allez repasser par le village de Bollers et puis aller vers le village de Tin. Et j'ai comme l'impression que ça va de nouveau grimper un petit peu. Donc préparez-vous, prenez l'énergie nécessaire et toute la vivacité nécessaire. Là, à la halte au ravitaillement, mais on vous retrouve dans un instant, effectivement, pour le quiz. Florent Pagny, encore. Pensar, tener, querer, andar, abriendo en cada puerta una verdad. Yo soy quien va dejando atrás. Tú entregas cada noche el alma. ¿Cómo llegar y no perder? Se enreda entre la suerte cada despertar. Cristal de miel, agua de mar, despierta el día, llega y se nos va. Encore tes yeux, encore ton souffle, encore ta main, encore nous deux, encore heureux, encore demain. Encore je t'aime, encore je suis, encore c'est toi. Et puis encore, encore s'enfuir jusqu'à demain. Manos tocar. tocando el mar, saber que solo soy un árbol en la piedra. Y tú te irás, aún sin querer. En un segundo hay tanto que te sobra. Perdona, mi viejo amor, mi carrusel. Se está nublando el cielo, va a llover. Encore tes yeux, encore ton souffle, encore ta main. Encore nous deux, encore heureux, encore demain. Encore je t'aime, encore je suis, encore c'est toi. Et puis encore, on va s'enfuir, encore demain. ...14h39 minutes, c'est à l'instant Florent Pagny avec Encore, et vous n'allez pas me croire, j'ai comme l'impression qu'on va encore parler de bière, n'est-ce pas Stéphane Piedbeuf? Écoutez, je suis en face d'un dilemme, j'ai soit une ambrée ou alors une blonde, et je ne sais pas encore vers laquelle mon alors, cœur va balancer. Alors, si l'ambrée n'est pas filtrée et qu'elle s'appelle Archiduc, vous pouvez y aller les yeux fermés, je l'ai essayé tout à l'heure. Ah bah c'est super, merci, mais alors je vais goûter la blonde, comme ça bah ça ne fera pas de jaloux. Je suis en effet devant l'endroit que vous avez visité tout à l'heure, Philippe, la confrérie Jean de Nivelle, qui a un très bel âge, hein, c'est l'âge de la maturité, c'est le plus bel âge, puisque elle date de 1984. C'est Maurice qui va nous en parler, et vous faites la promotion donc de finalement l'Archiduc et aussi de la Jean de Nivelle. Je ne sais pas comment on dit. Oui, donc l'Archiduc est une bière ambrée et la Jean de Nivelle une blonde que nous représentons depuis 1984. La date de la fondation de la confrérie. Et nous avons aussi un pâté et un fromage qui est aussi un pâté à la Jean de Nivelle et à l'Archiduc. Donc, qui sont nos produits de représentation pour Nivelle. Voilà, effectivement. Alors, il faut dire qu'elle est à Gendrin, Gendrenois, c'est à quelques encablures de Nivelle, ça. Oui, c'est tout près de Wavre, donc à 25 km ici de Nivelle. Nous avons trouvé un petit brasseur artisan qui nous fait notre bière, qui est très très très bien faite, et il a bien suivi notre considération, nos desiderata au niveau des mélanges et tout ça de la bière. Voilà, donc effectivement, alors c'est une bière qui s'exporte, c'est une bière qui est un peu connue à l'étranger, ou c'est vraiment une bière très locale? C'est une bière qui est très locale, mais nous pouvons le trouver dans certains commerces ici à Nivelle et dans certains cafés qui redistribuent notre bière. Ainsi que tous les mercredis, nous avons un marché artisanal à Nivelle et notre bière est représentée sur ce marché. Donc voilà, il faut vraiment venir à Nivelle finalement pour goûter cette bière. Oui, tout à fait, oui. Voilà, effectivement, et donc la confrérie est là. Et vous êtes habillé comme au Moyen-Âge? Oui, donc nous avons repris notre tablier, un tablier de brasseur, comme on peut appeler ça, dans les traditions du début, avec l'écusson. Et nous avons une médaille qui représente, quand nous avons la médaille, ça veut dire que nous sommes compagnons. Oui, et justement, les compagnons, pourquoi il y a le drapeau français sur votre vareuse? Parce que le drapeau français, c'est les couleurs de Nivelle. Les couleurs de Nivelle, c'est bleu, blanc, rouge, et c'est pour cela que nous avons ça sur notre... Vous êtes donc des irréductibles gaulois, si je comprends bien. Comme vous dites, des irréductibles gaulois, qui est difficile à détourner. Ben voilà, je pense que je vais tomber dedans comme si j'étais petit, dans la Jean de Nivelle, Philippe. Ah oui, vive Jean-Jean, vive Jean-Jean, c'est le plus vieil homme de Nivelle. Vive Jean-Jean, vive Jean-Jean, c'est le plus vieil de nos habitants. Ah oui, c'est comme ça qu'on le chante, le Jean de Nivelle, quand on est dans la cité des Aclos. Merci Stéphane Piedbeuf, on va retrouver quelqu'un qui chante nettement mieux que moi, c'est Mark Ronson et Bruno Mars, juste après ceci. Les soldes XXL sur Crefel.be, réservez en ligne, c'est dispo une heure après dans votre magasin. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Avec Lidl, faites du sport maintenant, parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du Beauvélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. En Wallonie, Picarde à vélo, tu n'auras plus jamais le moral à zéro. Enfourché comme moi un vélo, rendez-vous en Wallonie, Picarde à vélo. Cet été, enfourchez vite votre vélo pour découvrir Tournai, Hatte, Enghien, le pays des collines ou encore les plaines de l'Escaut. C'est facile, il n'y a qu'à suivre les points nœuds. Les points quoi? Les points nœuds. Quoi? Tu ne connais pas les points nœuds? Va vite voir sur wapinature.be ou wapinature.be. En plus, il y a des cartes vélo à gagner. Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme de Wallonie. Vivacité à Hatte. En toute complicité. Sur 101.8 FM. Just watch. Hey, hey, hey, oh! À l'instant, Uptown Funk, c'était Mark Ronson, bien sûr, sur Vivacité. Ben, la confrérie de Jean de Nivelle, j'ai bien envie d'aller y refaire un petit tour tout à l'heure pour déguster l'une ou l'autre de leur bière. Dans quelques instants, on sera avec les candidats à l'échappée belge pour le quiz en compagnie de Pascal Michel. On est toujours à la halte ravitaillement du côté de Bollers dans l'entité de Nivelle où nous sommes toute la journée. Egyptian. Sacré souvenir avec les Bengals et Walk Like an Egyptian, ça nous ramenait en 1986. Coup d'œil tout de suite, ah ben apparemment, Pascal Michel, vous êtes là avec les deux candidats à l'échappée belge. Ah ben exactement, exactement Philippe, je suis avec Gilles et Stéphane. Alors Stéphane, c'est vous qui venez de le plus loin, donc on va commencer par vous. Vous venez d'Amers en région liégeoise, c'est votre premier beau vélo? En tant que candidat, oui. Sinon, vous êtes un habitué. Oui, c'est mon 101e aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Ah, vous avez quand même quelques kilomètres dans les jambes. Et c'est la première fois que vous participez comme candidat, alors? Comme candidat, oui. Et l'échappée belge dans le Luberon est peut-être pour vous, mais il y a quand même un candidat redoutable en face de vous. Gilles, par contre, vous, on est presque dans votre jardin, en fait. Voilà, je suis le régional de l'étape, effectivement. J'habite à Bollers, à quelques mètres d'ici. Et cette étape du ravitaillement, on est justement à Bollers. Ici, le beau vélo, c'est une longue histoire aussi pour vous? Ah, ça fait 2 ans que j'y participe régulièrement. J'y ai pris goût. C'est toute l'ambiance, moi, qui me plaît beaucoup. Et vous, me plaît énormément. Et vous êtes venu avec vos fans, regardez vous. Voilà, j'en ai là. Alors, le seul problème, Gilles et Stéphane, je suis désolé, parce que vous allez être les seuls à devoir répondre à Squeeze. Le principe, il est très simple. 120 secondes, vous devez répondre à un maximum de questions. Vous avez chacun un buzzer devant vous. Si vous piochez et si vous buzzer sur ce buzzer, vous avez la main, vous pouvez répondre. Sinon, c'est à votre adversaire de répondre. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Oui. Alors, attention, on va lancer le chrono et c'est parti. C'est parti. Alors, quel est le surnom donné aux Nivellois ? Les Aclos. Alors, c'est pour vous, Stéphane ? Les Aclos. Les Aclos, oui. Avec Albert Camus, quel autre écrivain vécu ? Et Arthur Masson. Et non, c'est pas la bonne réponse, Stéphane, c'est à vous ? Non, personne. Personne. Je n'ai pas le reste de la question. Qui anime l'émission Vivacité en concert ? Oui, Stéphane. Bruno Tumers. Bruno Tumers, bonne réponse. En 2004, avec quel artiste Natacha Saint-Pierre ? Oui, à vous Gilles. Avec Luc Plamondon. Non, dommage, à vous Stéphane. Et le reste de la question. En quelle année ? Ah ben on poursuit, dommage. En quelle année la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles a-t-elle... Alors, 1046. 1046, bonne réponse. Quelle localité est la capitale mondiale du fruit confit ? Pour vous, Gilles. Tine ? Non. Apte. Apte, bonne réponse. Pour Stéphane, septième question, quel architecte a réalisé ? Oui, pour vous, Gilles. Émile-Joseph Coulon. Oui, bonne réponse. Huitième question, dans quelle localité du Luberon un musée est-il dédié à la boulangerie ? Pour vous, Gilles. Ménerbe. Non, pour vous, Stéphane. Fort-Calquier. Non. Neuvième question, comment s'appelle le seul moulin à vent de Nivelles ? Pour vous, Gilles. Le moulin Saint-Pierre. Le moulin Saint-Pierre, bonne réponse. Dixième question sur vivacité, quelle est la durée du grand journal de 8 heures ? Pour vous, Stéphane. 10 minutes. Non. Deux pour vous, heures. Gilles. Non. En quelle année a débuté la construction de la ligne 141 ? Pour vous, Gilles. 1952. Non, pour vous, Stéphane. En 1852, pardon. Pour vous, Stéphane. 1854. Non, c'est pas la bonne réponse. Quel album de Natacha Saint-Pierre a été double disque de platine ? Pour vous, Stéphane. Vite. Non, pour vous, Gilles. De l'amour le mieux. De l'amour le mieux, oui, c'est la bonne réponse pour vous, Gilles. Quel artiste a réalisé la chasse contemporaine renfermant les reliques de Sainte-Gertrude pour vous, Gilles. Félix Roulin. Oui, bonne réponse pour Gilles. Qui était le seigneur du château de Lacoste pour vous, Gilles. Pour Gilles d'abord. Non, pour vous, Stéphane. Le Marquis de Sade. Le Marquis de Sade, bonne réponse pour Stéphane. Quel illustré écrivain belge a enseigné à l'Athénée Royale de Nivelles pour vous, Gilles. Arthur Masson. Arthur Masson, c'est la bonne réponse. Et puis, dans le Luberon, dans quelle localité trouve-t-on une ferrière à taille sur Tarala ? Et pour vous, Gilles. Pour vous, Stéphane Dergard ? Je sais pas. Personne. C'était Cavaillon. Et voilà pour ceux qui ont pu les applaudir, messieurs, dames. On peut les applaudir, bravo à vous. Et on rappelle que le quiz, ça fait partie de ces étapes. Seulement pour accéder au Luberon, tout reste encore à faire, évidemment. Eh oui, on s'en doute bien, c'est pas évident, pas évident, pas évident. J'aurais été bien au mal de pouvoir répondre à toutes ces questions. Merci à vous, Pascal Michel. Je rappelle qu'il reste une troisième étape. Il y a une première étape sportive ce matin. C'était du golf pour nos deux candidats à l'échappée belge. Une troisième épreuve sportive aura lieu pour eux à l'arrivée de la balade tout à l'heure sur le coup de 15h30, 16h. Ce sera la piste de Pump Track. C'est une sorte de mini vélodrome avec des virages relevés. Ils devront faire le meilleur chrono sur un parcours à eux, bien sûr, de s'y frotter. Retour de la musique sur Vivacité avec Katy Perry, tout en feu d'artifice. Ça s'appelle Firework. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Chance for you, 'cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go. Let it shine. Just own the night. Katy Perry, Firework, il est 14h59 minutes. Vous êtes sur Vivacité et on retrouve nos beaux héros du Ravel qui viennent de reprendre la route, hein, juste après la halte ravitaillement. Eh bien, on les retrouve juste après les informations. Vous appréciez le talent ? Écoutez-le sur Vivacité. À l'occasion des soldes, les Tissus du Chien Vert vous offrent la confection gratuite de vos tentures sur une sélection de plus de 200 tissus. Une confection gratuite et made in Belgium. Les Tissus du Chien Vert à Bruxelles, Waterloo, O'Neill et sur chienvert.com. Ah oui, aux Tissus du Chien Vert, tous nos prix sont conseils compris. Retrouvez nos soldes et conditions sur chienvert.com. Vivacité, il est 15h et on s'informe tout de suite en compagnie de Justine Hermans. Bonjour Justine. Bonjour Philippe, bonjour à tous. 20e et dernière étape, avant-dernière étape du Tour de France. Les coureurs sont pressés d'arriver à Paris, dirait-on, car ils sont ce samedi dans l'horaire le plus rapide calculé par les organisateurs, Samuel. Oui, un horaire calculé sur une moyenne de 38 km/h. On pourrait donc assister à l'arrivée vers 16h50, même si les conditions météo peuvent encore nous réserver des surprises. Les coureurs ont franchi le col de la Colombière sous la pluie, une pluie qui s'est un peu calmée, mais qui vient de faire sa réapparition alors que l'on vient de passer au ravitaillement de Marinier. Un ravito important avant d'aborder le troisième col du jour, l'avant-dernier du tour, le col de la Rama, 14 km de montée à 7,1% de déclivité. Il n'y a plus que 8 coureurs en tête, Sagan, Izaguirre, Nzosti, Nibali, Goujard, Pantano, Costa, Alaphilippe et un certain Roman Kreuziger, 12e ce matin au classement général à 9 minutes 45 de Froome. Comme l'échappé compte 6 minutes d'avance sur le peloton, et bien le Tchèque est virtuellement 2e du classement devant Romain Bardet. L'équipe AG2R va devoir réagir, aidée sans doute par les équipes des autres candidats au podium, comme la Movistar de Quintana, les Orica de Yates et les Astana d'Arou, qui emmène le peloton en ce moment, et tant pis pour Nibali qui se trouve devant et qui rêve d'une victoire d'étape. Encore 67 km. Merci Samuel Grulois sur le Tour de France. L'auteur de la fusillade hier à Munich en Allemagne a voulu faire un lien avec le massacre commis il y a 5 ans en Norvège par Anders Behring Breivik. C'est ce que la police a précisé. Les deux attaques ont été commises à 5 ans d'intervalle, jour pour jour. Breivik avait tué 77 personnes. L'auteur de la fusillade d'hier, lui, a fait 9 victimes. 5 ont moins de 18 ans. 27 personnes sont blessées. L'auteur est germano-iranien. Il a 18 ans. Il a agi seul, il s'est suicidé après l'attaque. Selon la police, il était suivi sur le plan psychiatrique. Il souffrait d'une forme de dépression. Les enquêteurs penchent donc pour l'instant pour la piste d'un forcené. La chancelière allemande Angela Merkel parle d'une nuit d'horreur. Elle a réuni aujourd'hui un conseil fédéral de sécurité. 61 personnes ont perdu la vie aujourd'hui dans un attentat suicide à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. 207 personnes sont blessées, selon le dernier bilan. Le groupe terroriste État islamique a revendiqué l'attaque. De kamikazes de l'organisation se sont fait exploser lors d'une manifestation pacifique chiite. RTBF Mobile Info, on file sur les routes. Est-ce que c'est toujours avec Pierre Collard-Bovy ? C'est toujours avec moi, voilà. Pas de problème, on se sent bien ensemble. Alors, un accident impliquant plusieurs véhicules sur la Nationale 5 Couvin-Charleroi, c'est entre le Bultia et l'Overval. La bande droite est neutralisée, il y a forcément formation de file en direction de Charleroi. Quant au ralentissement aux frontières françaises sur les axes importants, la circulation est dense encore, mais sans plus sur le 40 Yabé-Calais entre Dunkerque et Guiveld. Et la situation est un peu ralentie, plus dans ce cas-là, sur le 19 Mons-Valenciennes entre Boussu et Anzy. Vous perdez une vingtaine de minutes partout d'ailleurs, ça roule relativement bien. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Ce n'est pas le Tour de France, mais c'est quand même sur deux roues le beau vélo de Ravel sur Vivacité. Merci Justine Hermans. On retrouve l'information bien sûr tout à l'heure à 16h sur Viva. Et d'ici là, bien sûr, on vous parlera encore du Tour de France en compagnie de Samuel Grulois. Les soldes XXL, c'est aussi jusqu'à moins 70% sur toutes les marques d'encastrables. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. 13h, 17h. Le beau vélo de Ravel sur Vivacité. 15h04 minutes, et c'est un Carolo qui arrive. Il s'appelle Kid Noise et on le retrouve avec Ocean. Sur Vivacité Kid Noise avec Ocean. Et là tout de suite on va retrouver nos beaux héros du Ravel qui repartent, qui sont repartis de la halte au ravitaillement. Exactement, Philippe. Ouais. Avec de la musique, on n'est pas encore reparti de la ravitaillement. J'ai compris. Ou alors c'est une fanfare à vélo. Une fanfare à vélo, mais écoutez, on pourrait le faire. Le c'est Royal Guidon et Sbignon. qui existe. Bien sûr. Moi, je voulais plutôt vous présenter, non pas un as de la musique, quoique, on fait aussi de la musique en cuisine, mais il fait ça avec ses couteaux et ses ustensiles. C'est Laurent Delehner qui officie ici au restaurant L'Avenue. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, vous nous avez préparé tout à l'heure un plat uniquement avec des végétaux, des légumes et des fleurs en circuit court, parce que ces légumes et ces fleurs, elles n'ont pas voyagé beaucoup pour arriver jusqu'à nous. Hein. Non, tout à fait. J'étais allé chercher à la ferme Le Vallon. Directement du producteur à l'assiette, voilà. Voilà, et vous nous avez complètement étonné parce qu'on a notamment de la rhubarbe là-dedans. Normalement, la rhubarbe, c'est difficile à préparer. Là, facilement, vous l'avez rendu avec le goût un peu comme la compote de rhubarbe dans cette préparation. Tout à fait, je l'ai coupé en petits dés et pour enlever l'acidité, j'ai simplement fait un sirop 50-50. Je l'ai bouilli pendant 10 minutes, je l'ai retiré, voilà, vous avez le résultat que vous avez eu. Et ça a particulièrement plu à Delphine Simon parce que Delphine, vous adorez les plats végétariens. Oui, je suis assez fan de tout ce qui est végétarien et je dois dire qu'ici, Laurent a vraiment cette capacité de relever le goût des aliments. On a mangé un radis avec un vinaigre de Pinot des Charentes, je ne savais même pas que ça existait. Et on a mangé des fleurs aussi. Et on a mangé des fleurs. J'en ai même mangé une qui avait un goût d'ananas au début. Ça, c'est incroyable. C'est quoi comme fleur, ça, Laurent ? La sauge. La sauge. Il y avait aussi le souci. Souci, tout à fait. Mais on n'a pas de problème dans le beau vélo. Non, il n'y a aucun problème dans le beau vélo. On est en pleine forme et on est prêt pour la deuxième étape. Donc, Pascal Michel, pas de souci pour la deuxième étape. Enfin, la deuxième, c'est la même étape, la deuxième partie en tout cas. On va quitter Bollers dans un instant. Vous avez pas mal de ravelistes autour de vous. Ah oui, je suis sur la ligne de départ de la prolongation de ce parcours aujourd'hui ici à Nivelles. J'ai pas mal de ravelistes autour de moi, comme monsieur, c'est comment votre prénom? Philippe, je crois. Philippe, c'est ça, oui. Philippe, vous faites souvent des beaux vélos comme ça? Oh, 2-3 par an à peu près. Et ça veut dire que vos jambes sont toujours entraînées, même si vous n'en faites que deux? Oui, parce que je fais du vélo individuellement sur les ravels autour de chez moi. Vous venez d'où d'ailleurs? Jean Blou. Jean Blouse, Ernage, ça fait combien de kilomètres d'ici? D'ici, ça fait une trentaine. Vous êtes venu en vélo ou en voiture? Ah, je suis venu en voiture. Parce que les 30 kilomètres, on va les faire en vélo et on les aura fait. En tout cas, le Rancid Club, c'est comment votre prénom à vous? Jacques. Jacques, le beau vélo, c'est quoi? C'est une longue histoire ou c'est justement une... Non, c'est une longue histoire, c'est déjà une dizaine d'années. Et vous en avez fait combien? Vous J'en fais une petite moitié chaque année. Vous faites partie de ces habitués alors? Oui. Et qu'est-ce qui vous plaît justement dans cette ambiance beau vélo ici? Mais tout d'abord, l'ambiance est vraiment très conviviale. Mm-hmm. Et ensuite, les décors sont magnifiques. C'est on passe par des endroits qu'on ne connaît pas du tout. C'est comment la vie dans le peloton? Parce que vous êtes des centaines, des milliers dans ce peloton ici du beau vélo Ravel. Ça se passe comment l'ambiance? Ça se passe très bien. Il y a beaucoup de convivialité et beaucoup de respect de soi. C'est très bien. Et c'est vrai qu'il y a une vraie solidarité entre les différents Ravelistes parce qu'on en voit parfois, vous savez, dans les dures montées. Comme je vous ai vu, Olivier, il y en a toujours un à côté qui est là pour pousser un petit peu. J'ai vu que vous, par exemple, nous pas, mais vous avez eu besoin d'aide de temps en temps. J'ai eu besoin d'aide. Ben, je vous ai vu, j'ai vu quelqu'un vous pousser. Ah, c'était inconscient, je ne sentais même pas qu'on me poussait dans le dos. Comme de par hasard. Vous entendez que tous les véhicules d'accompagnement, parce que oui, il y en a aussi qui sont un peu motorisés devant nous, démarrent, ce qui est le signe que sera reparti. Alors, on a fait pratiquement deux tiers de l'étape. Qui sont déjà derrière nous, donc c'est un petit tiers qui va nous conduire dans le Nivelles Sud. Philippe, on va notamment aller du côté du Zuning, la Nivelles Sud, parce que l'activité économique de la région est bien développée évidemment, avant d'aller parcourir le parc de la Dodène et puis enfin traverser la partie historique de Nivelles et de contourner la collégiale Sainte-Gertrude. Pour l'heure, on met le cap sur un petit bout de Ravel, on reprend la ligne de tout à l'heure mais dans l'autre sens. Toujours cette ligne de chemin de fer qui allait de Wavre à Manage. Et vous le savez, tout à l'heure, à l'arrivée, eh bien, il y a des artistes qui vous attendent sur le podium. De charmants artistes notamment, parce que vous êtes en charmante compagnie, Stéphane Piedbeuf. Alors effectivement, je suis à juste quelques mètres de la scène qui accueillera tout à l'heure Florent Motte, qui d'ailleurs fera un duo avec une artiste magnifique. Elle s'appelle Natacha Saint-Pierre. Alors j'ai le plaisir et le privilège d'être dans sa loge en total VIP. Bonjour Natacha. Bonjour. Mais merci de nous recevoir là, comme ça, dans votre intimité finalement. Mais oui, c'est un peu nos loges, c'est un peu nos petites maisons, parce que comme on passe beaucoup de temps sur la route, les artistes, on se refait une petite maison à chaque fois, dans chaque loge. Voilà, alors vous êtes nomade, c'est vrai, vous êtes artiste, il y a pas mal de concerts, vous voyagez beaucoup. Alors comment trouvez-vous la Belgique, un pays que vous connaissez bien quand même depuis le temps? Ah oui, évidemment, je commence à très très bien connaître la Belgique et les Belges. Mais moi, c'est un endroit que j'aime bien, parce que les Belgiques ont l'art d'aimer la vie et de nous la faire aimer aussi. Du coup, c'est assez agréable d'être chez vous. Alors, vous avez effectué vos balances, comme on dit dans le jargon, avec Florent Motte, avec un magnifique duo, une chanson très connue qui a déjà été chantée par tout le monde ici sur le beau vélo de Ravel, parce qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas fait le parcours à vélo, qui ne sont pas sur le parcours. Mais en tout cas, pour vous motiver à revenir, eh bien, il y aura pas mal de surprises. Oui, j'ai la chance aujourd'hui. Il y a Florent Motte qui va chanter aussi cet après-midi. Et comme on se connaît très bien, quand on s'est vu dans le même train pour venir jusqu'ici, on s'est dit, et si on chantait ensemble? Alors Florent a accepté d'apprendre la chanson. Il est d'ailleurs en ce moment en train de finir d'apprendre la chanson spécialement pour vous. Et du coup, je pense qu'on va vous préparer un beau duo. Voilà, un super duo. Alors vous connaissez la poutine évidemment, puisque ça vient de chez vous ça. Évidemment, je connais la poutine. Alors connaissez-vous la tarte Aljot de Nivelles? Non, je me doute que c'est une tarte locale. Une tarte locale assez lourde, hein, mais il faudra absolument la goûter. Hein. C'est à base de pommes de terre et de fromage? Je pense bien, Philippe. Il n'y a, hein, si a pas de pommes de terre. Il n'y a pas de pommes de terre, donc il y a du fromage. Il y a des bêtes. Voilà. Hein, y a des bêtes. Ce sont des Il y a quoi dedans? Des bêtes. Des bêtes, ce sont des feuilles. Hein, ça se rapproche un petit peu de la salade. C'est pas de la salade, hein, mais. C'est pas de la salade, mais bon, voilà, c'est assez vert. Il y a une confrérie. On va vous les présenter. Hein. Mais avec un grand plaisir, découvrons les spécialités locales. Voilà. Alors, avant de monter sur scène, est-ce qu'il y a un rituel? Comment ça se passe? Parce que là, on va vous laisser tranquille. Est-ce qu'il y a une période de repos nécessaire? Il y a une période où je dois être seule pour chauffer ma voix parce que étrangement j'arrive pas à le faire devant d'autres personnes et si je le fais pas, je donne pas la même prestation sur scène. Donc c'est important que je le fasse. Après il y a évidemment tout le travail comme quand on se présente en public. Je vais me maquiller, je vais me coiffer, je vais m'habiller, je vais me transformer, me muter en chanteuse. Et ben voilà, on a hâte de vous voir tout à l'heure avec Florent Motte. Vous serez là à 17h30. N'hésitez pas à venir hein, dès 16h15. Tous les artistes sont là pour vous sur scène. C'est complètement gratuit ici à Nivelles. Bah, je vais vous laisser toute seule, vous préparer tranquillement et nous avons tous hâte de vous voir tout à l'heure. Avec plaisir, à tout de suite. Le 43e Festival International des Arts de la Rue se déroulera à Chassepierre, près de Florentville, les 20 et 21 août prochains. Circassiens, comédiens, musiciens, danseurs, professionnels venus du monde entier vous enchanteront, avec d'habiles équilibres et tout un jeu de subtils contrepoids. Préparez votre festival sur chassepierre.be, avec Vivacité et La Une. Ne laissez pas le doute s'installer dans votre salle de bain. Bonjour, moi c'est le doute. Ah, dites, cette baignoire, on la changerait pas? Ou changeons plutôt la douche, à moins qu'on remplace tout. Oh, je doute. Avec Induscabel, le doute n'a plus sa place dans votre salle de bain. C'est charmant, merci. Parce qu'en juillet, Induscabel vous offre jusqu'à moins 60% sur ses salles de bain d'expo. Alors, plus de doute. Oui, bon, ça va. Induscabel, avec vous de A à Z. Jusqu'au 30 juillet, dans nos 5 showrooms, solde jusqu'à moins 60% sur votre salle de bain. Infos et conditions sur induscabel.be. Vous appréciez le talent? Écoutez-le sur Vivacité. L'Archéosite et Musée de Buchy-Belleuil vous propose un voyage à travers le temps. Chaque dimanche après-midi, rencontrez nos artisans au travail. Forgerons, tailleurs d'os, bronziers, tisserands, potiers. Découvrez également notre espace muséal axé sur les cultes et croyances antiques. Info 069 67 11 16 ou archéosite.be. Avec Vivacité. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Et ici, sur notre village d'accueil à Nivelles, on est bien sûr pour l'instant au parking Saint-Roch, avenue Albert 1er et Elisabeth. Eh bien, il y a des initiations gratuites de golf en collaboration entre l'ADEPS et l'Association francophone de golf. C'est l'occasion pour les enfants et les adultes de découvrir le golf de manière ludique, dans une ambiance très conviviale. Il y a un prof de golf diplômé qui vous présentera le jeu, le jargon du golf et le matériel. Vous découvrirez ensemble les gestes de base en tapant vos premières balles. C'est un chouette moment à partager en famille ou entre amis. N'hésitez pas, c'est tout au fond de la place là pour l'instant, au stand ADEPS, où vous retrouverez l'association francophone de golf. I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Line. I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no, but in a corner of my mind, corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find a little room? Want you back, girl. it's time that you came back for good. À l'instant, les Take That avec Back for Good. Il est 15h19. Tour de France 2016. Chris Froome qui mène ce peloton. Ce samedi 23 juillet, 20e étape, 146 500 km en montagne entre Megève et Morzine. Et j'ai comme l'impression, Samuel Grulois, que ça grimpe nettement plus chez vous du côté de Morzine qu'ici autour de Nivelles. Hein. Ah, j'imagine, hein. Nous sommes dans l'ascension du troisième col au programme, le col de la Rama, classé première catégorie, un col long, 14 km, une pente moyenne usante, 7,1%, et des passages plus difficiles dans les trois derniers kilomètres à partir de Saumont où la route se fait de plus en plus étroite avec une pente à 12%. On culmine là en haut à 1619 mètres d'altitude. On monte ce col via le versant qui est normalement très exposé au soleil, ce qui n'aura pas de conséquences aujourd'hui puisque le soleil est totalement absent de la route du Tour, au contraire de la pluie qui, elle, est très présente et qui va fatiguer encore plus des organismes déjà bien fatigués. 7 coureurs sont toujours en tête, rescapés d'un groupe de 24, 7 coureurs avec 4 minutes 50 d'avance sur le peloton. Il y avait là, il y a encore quelques instants, quand le groupe comptait 8 coureurs, il y avait encore Peter Sagan qui a beaucoup travaillé pour son équipier Roman Kreuziger et qui vient de se relever. Le champion du monde est maillot vert. Kreuziger est évidemment toujours devant. Le Tchèque qui pourrait en effet réaliser le hold-up parfait ce samedi en allant chercher une place sur le podium du Tour. Il a donc tout intérêt à rouler et encore rouler dans ce groupe de tête. Avec lui, on retrouve Izagirre Inzosti, un équipier de Quintana chez Movistar. Alexis Goujard, un équipier de Bardet chez AG2R. Jarlison Pantano qui porte le maillot de l'équipe Yam. Rui Costa pour la Lampre, l'ancien champion du monde qui est à l'attaque partout et tout le temps sur ce tour. Julien Alaphilippe également pour l'équipe Etix qui a appris hier que son leader sur les classiques flandriennes, Tom Bonnen, avait re-signé pour un an. Et puis enfin, Vincenzo Nibali qui sait que le final de cette 20e étape lui est favorable avec cette descente de 12 km vers Morzine, le requin de Messine qui a probablement appris que son équipe Astana fait le forcing en tête du peloton pour peut-être préparer une offensive de Fabio Aru. C'est évidemment une arme à double tranchant, parce que si Aru n'attaque pas ou attaque mais ne fait pas de différence, eh bien on aura gaspillé la cartouche Aru, mais on aura aussi gaspillé la cartouche Nibali en effectuant peut-être la jonction. On attend de voir aussi la tactique de Romain Bardet. Va-t-il se contenter de la deuxième place finale? Va-t-il tenter de déstabiliser le maillot jaune Froome? Hier, en tout cas, à l'hôtel, l'équipe AG2R a organisé une petite fête pour célébrer le succès d'étape de l'Auvergnat à Saint-Gervais. Son équipier belge, Yann Baklans, a expliqué comment tout cela s'est passé à Jérôme Elguers. Le voici. Euphorique, c'est normal. On a mis la série déjà et aujourd'hui on peut être deuxième dans le Tour. Ça donnera une grande satisfaction. Ça donnera la réussite à une saison qui a jusqu'à là été difficile. Ça a basculé pendant le Dauphiné, mais une deuxième place dans le Tour, c'est plus qu'on pourrait espérer. Et pour nous, c'était principal d'avoir Romain dans les cinq. Et là, il va faire probablement cela. Et à côté de ça, il aura gagné une belle étape. Quelle est votre mission concrètement aujourd'hui? Oui, c'est tout pour Romain. Il faut absolument essayer de défendre cette deuxième place et espérons qu'on aura la réussite là-dedans. Voilà Yann Baklans qui parle de défendre la deuxième place. La grande offensive n'aura peut-être donc pas lieu dans le chef de Romain Bardet. 7 coureurs en tête, dont Kreuziger. Il compte 4 minutes 40 d'avance sur le peloton. Attention, leurs ex compagnons d'échappée sont en train de revenir. On pourrait donc assister à un regroupement en tête de course. Je rappelle bien sûr qu'on vous retrouve d'ici une vingtaine de minutes dans l'émission du Beau Vélo de Ravel pour nous faire vivre encore cette étape du Tour de France. Et bien sûr, tout à l'heure, juste après les informations de 16h, émission spéciale en direct de Morzine pour vivre les derniers kilomètres et l'arrivée de cette étape en direct, bien sûr, sur Vivacité. On a toujours un bon prétexte pour tomber nos foot of the loom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Quand t'es pas là je fais n'importe quoi. Je prends des kilos, des tequila. Je chante des chansons d'Oum Kalsoum, je ne pense qu'à nos boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir, pas besoin d'un zoom, quand toi et moi on fait boum boum boum. Ta mère, elle a failli tomber par terre en entrant dans le dressing room. Quand toi et moi on faisait boum boum boum dans des ascenseurs des hôtels, on s'est monté au 7e ciel. On envoie balader les grooms. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir, pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Reçoit des invités, on ne sait même pas résister. Entre le deal et le coup, il y a le temps de faire boum boum boum. C'est vrai que les murs ont des oreilles, que tous les voisins se réveillent. Et c'est comme ça qu'on fait l'amour, quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. On ne voit pas besoin. Ça fait toujours deux. De plus de ça fait tout ce qu'on veut. C'est comme les coups de Brahim Asloum. Toi plus moi ça fait boum boum boum. Pas la peine d'aller cavaler, y'a que ça qui me fait voyager. Pas les cocotiers de Touloum. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir, pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. S'aimer comme ça c'est pas. Boum, boum, boum. C'était à l'instant Mika sur Vivacité. Il est quelle heure? 15h27. On va retrouver nos beaux héros du Ravel. Le beau vélo de Ravel, de 13h à 16h sur Vivacité. Avec Olivier Colle, bien sûr, et avec Pascal Michel. Évidemment, il y en a à traverser le village de Tine, quatrième et dernier village de l'entité. On les a fait tous les quatre et Tine, Claude qui est à mes côtés, c'est un village qu'il connaît très très bien. Bonjour Claude. Bonjour. Claude, vous êtes une de nos petites assistantes mécaniques dans les côtes. Si on peut dire, et oui. Pourtant, vous n'avez pas d'électricité pour pas vous aider. Non. Que tout ça, du jus de carotte. Du jus de carotte. Ouais. Il y en a dans la région. Oui, oui, oui. Alors quand on parle de l'Ardenne brabançonne, souvent on croit que c'est un slogan. Ça se vérifie bien aujourd'hui. Hein. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, on est passé par de très beaux petits villages, Bornival, Montreux. Et chaque fois, ça monte et ça descend, oui, jamais fort longtemps. Non, non, non, tout à fait. On a le temps de récupérer juste après la côte, on récupère dans la descente. Et on a peine récupéré que c'est reparti, on l'a entendu à notre souffle aujourd'hui. Claude, vous êtes en plus forgeron, vous. Moi, je suis à Clore, oui, je suis né à Nivelles. Je suis devenu forgeron parce que j'ai travaillé dans les établissements de la Brugeoise et Nivelles. Oui, où on fabriquait du matériel ferroviaire. Voilà, j'étais roulant, programmeur. FX. Tout à fait. Jusqu'à fin des années 90. Oui. Ah, donc, et vous avez gardé ce métier, mais dans votre forge personnelle alors. J'ai gardé ce côté artisanal, donc j'ai ouvert ma forge au Mont-Saint-Roch dans une ancienne ferme du 16e siècle. Et. Ben, pour une anecdote, j'ai créé le couteau Algiotte en 2005. Ah, le couteau Algiotte, qui a toujours son succès. Ça a un rapport avec la terre du même nom. Oui, il coupe la diotte et décapsule la bouteille de la Jean Nivelles en même temps. Donc c'est l'emblème qu'on avait dans notre coup tout à l'heure pour la confrérie de Jean Nivelles. Voilà. Et alors, j'ai eu la chance aussi de faire une sculpture pour notre roi Philippe quand il est passé roi des Belges, il y a 2 ans. Donc voilà, on était. Quel palmarès, quel CV de Claude, avec qui Pascal on fait connaissance comme ça, sur le beau vélo, sans se connaître. C'est ça aussi C'est ça aussi, Pascal, la vie du beau vélo dans le peloton, c'est de refaire des rencontres. Ouais. Et vous, la rencontre que vous avez fait aujourd'hui, c'est Jérémy, mais lui, il ne vous lâche pas les basques. Ah ben non, Jérémy, je ne comprends pas. Il est toujours derrière moi. Vous avez beau essayer de le lâcher, ça ne marche pas. J'essaye de foncer, mais je pense qu'heureusement qu'il est là pour donner un petit coup de pédale dans les différentes montées. Alors, vous parliez de sculptures justement avec Claude il y a un instant. Jérémy, il y a des sculptures qui étaient ici dans la région de Nivelles qui sont aujourd'hui exposées au Louvre. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu plus là-dessus? Oui, c'était quand nous étions dans le chemin Saint-Pierre. Ouais. Il y a effectivement une vieille chapelle dont trois sculptures sont reprises en fait au musée du Louvre. À Paris, on est d'accord, c'est pas, Paris, c'est pas un autre musée du Louvre. Ouais. À Paris. À Paris en vélo. Ah, regardez comme c'est bien fait. Alors, on traverse Tine, pour le moment, vous l'avez dit, Olivier. Tine, c'est aussi le nom de ce ruisseau, de cette rivière qui arrose toute la région de Nivelles et qu'on a l'occasion de parcourir ensemble. Alors, vous le disiez tout à l'heure, ces parcours dans les bois, ils ont laissé quelques traces, notamment sur vos shorts, sur vos t-shirts, parce que je suis juste derrière vous et je vois notamment une superbe ligne qui part de votre cou et qui descend jusqu'à la selle. Je peux vous dire que vu de derrière, c'est splendide. Oui, et vous décrivez l'arrière de Delphine Simon qui est venue en robe aujourd'hui et c'est une performance. Il fallait oser, Delphine. Oui, c'est une robe très pratique, il n'y a aucun souci. Et comme vous avez remarqué. Il n'y a pas de souci. Bah, on va manger tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Et comme elle est pas blanche, les traces de vous se voit à peine, tout ça c'est étudié, vous savez. Oui, c'est une célèbre marque où on a l'impression d'avoir été malade. Ça y est, c'est reparti. Bah derrière, visiblement, elle était vraiment été malade. Hein. Non, je vais très bien, figurez-vous, je me rends compte que le beau vélo de Ravel est effectivement accessible à tous. J'ai l'impression qu'avec les kilomètres qui passent, vous êtes de plus en plus à l'aise. Oui, d'ailleurs, je ne tiens même plus le guidon, vous avez remarqué. Et vous avez fait une expérience incroyable à vélo. Vous allez franchir maintenant un feu rouge sur une route nationale, trois bandes, sans vous arrêter. Voilà, il faut dire qu'on est bien escorté par toute la police locale qui est vraiment hyper sympathique en plus, qui fait toujours des petits signes. On est bien ici en fait. Hein. Mais vous allez revenir, c'est une région que vous découvrez grâce à nous aujourd'hui. Les premières impressions avant, alors qu'on va bientôt arriver dans la partie historique de Nivelles. Honnêtement, je suis tombée sous le charme de la campagne de Nivelles et des habitants aussi, on en a rencontré quelques-uns. C'est vraiment des personnes hyper chaleureuses, hyper accueillantes. Donc oui, je reviendrai certainement, que ce soit pour la tarte à l'jot ou autre chose, parce qu'il y a plein d'autres choses aussi. Alors, message, nous n'avons toujours pas dégusté de tarte à l'jot aujourd'hui. Je tiens à le préciser. C'est important, on en parle depuis 3 heures. Pascal, vous l'avez goûté, vous? Eh bien, pas encore, écoutez, mais... On va envoyer Stéphane Pibeuf en éclaireur sur le village. Mais il m'a annoncé qu'il allait y être dans quelques instants. Ben c'est magnifique. Donc il peut vous préparer ça. On vous décrira la partie historique de Nivelles juste avant de vous rejoindre parce qu'on n'est pas fort loin de vous, Philippe. On est bientôt de retour au village du beau vélo. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Vous savez qu'on vous attend hein, avec la voix de ses maîtres, avec aussi Florent Motte et Natacha Saint-Pierre. Et là, c'est le klaxon. Là, on vous klaxonne apparemment. Oui, c'est le klaxon. Oui, évidemment, les artistes qui seront avec nous tout à l'heure sur la scène du beau vélo pour un showcase. Et alors, on m'a parlé, Philippe, d'un duo tout à fait inédit que Florent Motte et Natacha Saint-Pierre vont faire pour récompenser ceux qui ont fait des efforts aujourd'hui. Ils seront certainement à votre micro tout à l'heure. Mais on les a déjà entendus tout à l'heure au micro de Stéphane Piedbeuf, mais vous étiez occupé à vous désaltérer à la halte ravitaillement. Ça y est, mais vous allez trahir tous les secrets de cette émission. Bah écoutez, c'est un peu le but, on est là pour ça, non? Merci à vous deux, on vous retrouve, à vous trois, puisqu'il y a bien sûr Delphine aussi. Mille merci à vous, on vous retrouve dans quelques instants. On va retrouver un peu de musique là tout de suite. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. T'as vu? Mais quoi? Ils ont gagné à la loterie ou quoi? Mais pourquoi tu dis ça? Ou alors ta sœur est allée demander de l'argent à ta mère. Mais non. T'as vu leur salon? Oui, il est splendide. Et la table? C'est très les beau. Chaises? J'aime bien. La salle à manger? Mm-hmm. Dis, tu m'écoutes? Mais je t'écoute, oui. Eh ben voilà, tu prends la défense de ta sœur. Ce sont les soldes chez Sélection Meubles à Mougy. 13 000 mètres carrés de meubles en ambiance vous attendent. Avec les conseils de professionnels, un service de livraison et de montage gratuit et des soldes durant tout ce mois de juillet. À 15 km de Tournai, Sélection Meubles à Mougy Mont-de-l'Enclus. Un jour ou l'autre, vous y viendrez. Vous désirez tout savoir sur l'agriculture, l'agroalimentaire ou sur comment réduire le gaspillage? La Foire de Libramont est une vitrine exceptionnelle de la ruralité. Ce dimanche, retrouvez Ces années-là de 10h30 à 13h en direct de la Foire de Libramont avec Jean-Marc Dessert. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Vivacité à la Louvière, en toute complicité, sur 99.5 FM. Fanny ? Oui, monsieur ? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim ? À quel sujet ? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial ? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier ? Justement. Appelez Convert, ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. Je te vois, mais nous sommes deux étrangers. Tu me vois, et c'est comme si on parlait. Je demande ton prénom aux invités. Je m'avance et nos mains peuvent se toucher. Elles se touchent avant de se lâcher. Et nos bouches ne font que regarder. On attend tout à l'heure. La nuit, c'est ce que nous conseille à l'instant Emmanuel Moire. Il est 15h38. On vous a entendu, Olivier Coll, on vous a entendu, Pascal Claude. On va retrouver tout de suite Stéphane Piedboeuf. Vous êtes sur le stand de la confrérie qui fait la promotion de la tarte al jot de Nivelles, la fameuse jot. Oui, la confrérie del tarte al jot depuis 1980. Et je peux vous dire qu'ici, c'est le coup de feu, là. On en sort des tartes al jot du four. Bonjour, Jacques. Bonjour, comment allez-vous? Mais ça va bien, et vous? Alors, la tarte al jot, c'est évidemment l'institution de Nivelles. Pouvez-vous nous expliquer comment est née cette tarte al jot? C'est quoi l'histoire? La tarte al jot, elle existe depuis les années 1200. On a retrouvé de Gertrude la recette ancestrale. Et en 80, on a créé une confrérie pour... redéfinir les critères de la tarte al jot, parce qu'on vendait tout et n'importe quoi, et c'était pour redéfinir et remonter la qualité de la tarte al jot. Voilà, alors qu'est-ce qui fait une bonne tarte al jot? Quels sont les ingrédients? Comment ça se passe? Comment ça se cuit? Comment ça se prépare? Mais pour avoir une bonne tarte al jot, il faut d'abord les bons ingrédients, c'est-à-dire du fromage de Nivelles, la boulette, avoir des bêtes fraîches, du persil, des oignons, des œufs, du beurre, du sel et du poivre. Voilà, alors ici, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre une tarte gigantesque. Hein, ce sont des tartelettes, finalement. Quand nous avons des stands de démonstration comme ceci, on prend des petites jottes qui ont 7-8 cm de diamètre plutôt que des jottes de 22 cm parce que c'est plus facile à servir et à découper pour les clients. Voilà, alors pour ceux qui vont venir nous rejoindre, bah, le stand n'est pas loupable puisque ça sent la tarte à jottes à 2 km, hein, faut bien le dire. On peut les emporter chaudes ou froides ? On peut les emporter chaudes ou froides, c'est au choix. Voilà, alors il y a Delphine Simon qui tout à l'heure, avant de partir, m'a dit il faut absolument que j'ai une tarte à jottes à mon retour parce qu'elle est en train de faire de l'effort hein, avec Olivier et Pascal là en ce moment. Est-ce qu'on peut en prendre une pour elle ? Sa jotte sera prête et je lui remettrai en main propre dès qu'elle le souhaite. Eh bien, impeccable. Donc, dès votre retour, Delphine, voilà prévenue, eh bien, vous pourrez venir ici manger une délicieuse tarte à jottes de Nivelles. Elle est magnifique. Eh bien, bon après-midi et à bientôt alors. Voilà Philippe. Merci, ben donc ça va réjouir effectivement Delphine. Et vous savez qu'ils ont un travail qui est quand même bien difficile à la confrérie de la tarte à jottes puisque régulièrement ils se réunissent pour goûter les tartes des différents pâtissiers qui en font dans l'entité de Nivelles pour voir qu'elles correspondent bien aux standards de la confrérie. Hein. Oui, effectivement, Philippe, on est en train de régler l'aspect pratique de la tarte à jottes de Delphine, mais je vous avoue que je n'ai pas vraiment compris ce que vous disiez, mais j'entends Olivier rigoler, donc je pense que le message est bien passé. Oui, on va arriver, Pascal, Stéphane, pour déguster cette tarte à jottes. Je me réjouis déjà de ce beurre qui va couler mais dans oui. la commissure de mes lèvres. Et vous aussi, Delphine? Oui, ben, je le voyais autrement, mais je me réjouis de la manger, en effet. Ça dégouline. Si ça dégouline pas, c'est que les On met du beurre dessus, hein. On met du beurre dessus pour la manger. Hein. Quand elle est chaude, ouais. Le beurre fond sur la tarte à jottes. Hein. Oh, autant le faire à fond, hein, finalement. Écoutez, on ne vit qu'une fois. On sera très bientôt près de vous, Philippe, parce que là, il nous reste quelques centaines de mètres à peine. Et on devine la collégiale Saint-Gertrude sur notre gauche, Pascal. Oui, la collégiale Saint-Gertrude, qui est un peu l'emblème de cette ville de Nivelles. Et au-dessus, on voit, ce Jean-Jean. Jérémy, le Jean-Jean, c'est quoi ? Alors, Jean de Nivelles, c'est l'emblème de la ville. Il s'agit en fait de Jean de Montmorency qui s'est soulevé contre son père lorsqu'il a fallu marcher un peu contre le duc de Bourgogne à l'époque. Et alors, le duc de Brabant, pardon. Et alors, il ressemble ce personnage. Et donc, il est niché au-dessus du clocher de cette collégiale Sainte-Gertrude. Voilà. La petite particularité, c'est qu'à partir de 7h du matin, tous les quarts d'heure, ding ! Voilà, il va sonner le rythme de la vie nivelloise. Accompagné du carillon et du carillonneur de la collégiale. Et il ne va pas faire ça toute la nuit quand même. Ah non, il s'arrête à 22h, merci à lui. Alors Sainte-Gertrude, c'est comment on peut dire, c'est la représentante ici de Nivelles ? C'est la sainte patronne. C'est vraiment le lieu de naissance de la ville de Nivelles, hein, puisque c'est lié à l'histoire de Gertrude. Ouais. Et c'est vrai qu'elle a suivi énormément de transformations depuis son édification. Mm-hmm. Et donc, oui, c'est vraiment le lieu de fêtes, de rencontres, et c'est autour d'elle qu'on va fêter également le carnaval de Nivelles. Ouais. Et pour la petite histoire, quand on regarde l'arbre généalogique, Gertrude, c'était la grand-tante d'un certain monsieur Charlemagne. Ça vous dit sans doute quelque chose? Oui, l'arrière-grand-tante de Charlemagne. Exactement. Ouais. Je sais que vous avez tous été à l'école. Qui a eu cette idée folle d'inventer l'école, c'est ce ouais, tout à fait. C'est ce sacré Charlemagne, évidemment. Oui, selon France Gall en tout cas. Hein. Ouais, merci exactement. Pascal Claude, on vous attend avec impatience et vous n'êtes plus très loin effectivement si vous êtes au pied de la collégiale de Nivelles. Nous on va écouter quelques messages et juste après on va tout à fait ailleurs, on va aller du côté de Morzine. Est-ce que vous allez bien? Bon festival cet été, mais gardez votre voix pour The Voice. Les auditions continuent. Inscrivez-vous, vous ou un ami. Rendez-vous sur rtbf.be/device. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du Beauvélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. La chance qu'un riche arrière-petit-cousin Germain vous appelle... Oui, c'est ton riche arrière-petit-cousin Germain. T'as besoin d'argent, dis ? ...est assez réduite. Ne comptez pas sur la chance pour réaliser vos rêves. Passez plutôt chez Nagel Makers. Nagel Makers, personnel et private banking. France 2016. Ce samedi 23 juillet, 20e étape, 146 km 500 en montagne entre Megève et Morzine. Eh oui, et c'est à Morzine qu'on retrouve Samuel Grulois et j'ai comme l'impression qu'on vient de passer le col de la Ramaze. Oui, bien vu, le col de la Rama, puisque semble-t-il on ne prononce pas le Z, à 1619 mètres d'altitude. Nous sommes à 50 km tout rond de l'arrivée et l'homme seul en tête porte le maillot de l'équipe Lotto Soudal et il est belge et il s'appelle Thomas de Gent, le vainqueur de l'étape du Ventoux qui a porté quelques jours le maillot à poids de meilleur grimpeur. Il a compris depuis hier qu'il ne pourrait porter ce maillot sur les Champs-Élysées, mais il a un deuxième objectif et on a déjà parlé depuis le départ de cette étape, c'est devenir le super combatif du Tour de France. Et bien franchement, avec ce qu'il montre depuis le départ de Megève tout à l'heure, on serait un peu incrédule de le voir louper ce trophée qui lui permettrait surtout de monter sur le podium dressé sur les Champs-Élysées demain à Paris. Thomas de Gent qui compte une trentaine de secondes d'avance sur le duo Rui Costa, Pierre Roland, un peu plus sur les rescapés de l'échappée dite matinale. Thomas de Gent, il avait avant le départ de cette 20e étape déjà passé 470 km à l'attaque sur ce Tour de France. Celui qui tient le trophée pour le moment c'est Rafał Majka avec 637 km, mais 470 plus la centaine de plus sans doute aujourd'hui, ça fera un beau petit quota de kilomètres pour le Belge Thomas de Gent qui pourrait donc devenir super combatif, super attaquant, super offensif, appelez cela comme vous voulez. Nous sommes dans une étape de haute montagne, la veille de l'arrivée à Paris. Le but est de garder du suspense. On se souvient que Froome avait connu quelques difficultés l'an dernier à la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Nous étions à l'Alpe d'Huez. C'est ça évidemment le schéma d'un Tour de France moderne voulu par ASO, l'organisateur. Et donc on attend, même si on n'a encore rien vu pour le moment, une offensive peut-être des candidats au podium pour s'assurer une place sur le podium ou alors pour mettre en difficulté le maillot jaune Christopher Froome qui est tombé hier. Mais peut-on se permettre d'attaquer un maillot jaune qui finalement est affaibli à cause d'une chute? La chute date d'hier. C'est la question que Jérôme Elguer s'a posée à quelqu'un de neutre dans le débat, totalement neutre mais qui a de l'expérience. C'est Marc Sergent, le directeur sportif manager de l'équipe Lotto Soudal. Est-ce qu'on peut se permettre d'attaquer un maillot jaune blessé ou il faut avoir du respect? Oh, tu sais, hier il a attaqué je pense hein, dans la descente. Donc bon, c'est la course, hein. Peut-être parce que c'est lui en jaune qu'ils ne vont pas la faire, mais je ne crois pas. Voilà, réponse courte, mais donc on pourrait bien assister, d'après Marc Sergent, à quelques attaques des adversaires de Froome, même si pour le moment le travail des Astana, comme hier en tête du peloton, n'a pas servi à grand-chose, 48 km avant l'arrivée. Un homme seul en tête, Thomas de Gent, le peloton maillot jaune est groupé. Merci Samuel Grulois, on vous retrouve bien sûr juste à l'issue du journal de 16h, vous serez dans le journal de 16h et puis après pour une émission spéciale et vivre en direct l'arrivée du Tour de France à Morzine en ce bel après-midi. Louane, elle était sur la scène, Pierre Rapsat des Francofolies de Spa hier, voici Tourne. Dehors, j'ai besoin d'oxygène encore, à la semaine prochaine. Si le vent te ramène. J'ai pris froid hier, j'ai attendu des heures entières à marcher sur les toits. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je sais qu'on se reverra avant l'hiver. Dans tes veines encore, pour que tu te souviennes, à l'amour, à la haine, tes envies d'ailleurs, propager le feu dans les cœurs. Je sais qu'on se reverra avant l'hiver. Emmène-moi, c'est ce qu'elle chantait Louane à l'instant, et comme elle le chantait si bien d'ailleurs sur la scène Pierre Rapsat hier soir au Francofolie de Spa. Je ne me suis pas trompé, Pascal Michel, vous êtes bien arrivé, vous êtes là au bout de la place. Ah ben on est bien arrivé, Olivier. On est bien arrivé. Fait coucou aussi. Philippe, c'est nous. D'accord, ok. C'est vrai qu'il y a un monde assez impressionnant ici, certainement venu non pas uniquement pour la balade, parce qu'on était quand même quelques milliers. Mais pour la Tartal Jot. La fameuse Tartal Jot. Alors, on nous a amené la fameuse Tartal Jot dont Stéphane Kebeuf nous parlait tout à l'heure. Elle était là et vous l'avez refusée. Mais non, parce qu'on va d'abord. Parce que je vous ai vu. On va d'abord déguster une glace. Voilà. On fait les choses à l'envers, mais c'est pas grave. Oui, parce que je suis chez Complètement Givré. Alors, Complètement Givré, vous êtes installé à Rixensart. Hein. Bonjour, oui, nous sommes à Rixensart. Notre atelier est à Rixensart. On se déplace avec nos camionnettes un peu partout en Wallonie, surtout dans le Brabant wallon. Et donc c'est une glace artisanale à la fraise que je vais déguster. Oui, c'est ça. Ce sont des fraises que nous avons plantées nous-mêmes avec des amis l'année dernière en agroécologie. Donc c'est vraiment naturel. Est-ce que vous comprenez que je déguste ça d'abord avant la Tartal Jot? Je vous en prie, oui. D'accord. C'est conseillé d'ailleurs. Et vous avez bien raison de dire, Olivier, que vous allez la déguster, parce qu'il y en a que vous. Et on va regarder votre tête et on va décrire ce que vous êtes. Allez-y. J'y vais. Donc déjà. Là, il est. Alors, il louche de plaisir. Et alors, il est bouche bée, en fait. Bah, d'un coup, il a pris. Ah oui. Vous sentez les grains de la fraise. Non, mais. C'est vrai, hein. Ah oui, c'est pas. Ça, c'est de la vraie. C'est de la vraie. Vous voyez, la façon dont il parle, à mon avis, c'est pour que le message arrive jusque derrière le congélo pour dire madame. Moi. Jérémy, une petite glace. Ah, je veux bien, avec plaisir. Bon, il y a des fruits à côté, etc. N'essayez pas de nous vendre. On a dit qu'on voulait une glace, Olivier. On est sur le village des saveurs, Philippe, et on se détend un peu parce que l'épreuve, quand même, aujourd'hui, c'était Adrien Jouvenot, avant de partir en vacances, nous a dit c'est plat comme la main. Oui, j'ai l'impression qu'on s'est fait un tout petit peu arnaquer sur le coup, mais c'était quand même exceptionnellement chouette. Première pour vous, Delphine, sur le beau vélo, mais toute première pour Pascal Michel aussi, qui va remettre le couvert la semaine prochaine. Oui, et vous savez quoi, vous m'avez même pas encore trop dégoûté. Donc ça veut dire que là, je sais, parce qu'en plus, Adrien, il m'avait dit que c'était plat cette semaine, mais il m'a surtout dit que la semaine prochaine, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai déjà souffert aujourd'hui, je vais m'entraîner toute la semaine. Vous êtes toujours hyper souriant, donc c'est que vous êtes vraiment pas dégoûté. Regardez la sueur qui coule sur mon front. Maurice Net, c'est comment dire, un peu pentu par rapport à aujourd'hui. Mais pentu dans quel sens? Parce que si c'est dans l'autre sens, ça va. Dans le sens ascendant comme descendant. Et Jérémy également. Parce que vous parliez de mon premier beau vélo de Ravel, on a partagé une première fois ensemble. Ouais, Jérémy, vous avez donc guidé pendant ce parcours justement ici à Nivelles. On vient de passer à côté du parc de la Dodène avec des étangs, des centres sportifs. C'est le lieu où on se retrouve pour faire du sport ici dans la région. Oui, dès qu'il fait un peu chaud, c'est là qu'on aime bien se retrouver autour des étangs, des fontaines, c'est ombragé. Mm-hmm. Et puis pour ceux qui sont curieux, il y a quand même plein de choses intéressantes à voir. Il y a l'ancien portique gothique de la collégiale qui a été déplacé à cet endroit là. Il y a des sculptures qui proviennent de l'ancienne gare du Midi à Bruxelles, mm-hmm. qui ont été placées au niveau du parc de la Dodène. Vraiment, c'est un lieu très intéressant. Et le parc de la Dodène, où le roi Léopold II est venu faire une petite visite en 1887, par exemple. Ah bah, il faut le savoir. On parlait de beau temps et c'est vrai que quand on est passé à côté, il y a pas mal de gens qui étaient en train de là de profiter. Alors pas vraiment du soleil, parce qu'il n'y a pas de grand rayon de soleil. Il fait beau, il fait tranquille, il y avait des bon. Signes qui nous regardaient, c'était pépère. Et pendant ce temps-là, il y en a un qui termine à manger sa glace pendant que je vais vous amener une petite anecdote. Je vais commencer par la glace avec vous. D'accord, promis. Bon, dans un court instant, Natacha Saint-Pierre. Florent Motte et la voix de ses maîtres qui reprend l'univers francophone des années 60. Ça, ça tombe merveilleusement bien parce que j'ai comme l'impression que Stéphane Piedboeuf, qui est de l'autre côté de la place, est aux côtés de Florent Motte. On vous retrouve, Stéphane? Eh ben oui, écoutez, vous savez ce que je fais, je suis en train de courir après lui, et il est là, il est super sympa parce qu'il est en train de parler avec ses fans. Florent Motte, ça va bien? Ouais, ça va et vous? Super, un petit peu essoufflé, mais bon, un petit peu moins que ceux qui sont sur le vélo actuellement. Alors comment vous trouvez la Belgique? Ah ben la Belgique que je connais bien déjà, et c'est toujours un plaisir de venir parce que les gens sont toujours de bonne humeur, et voilà, ça fait deux fois que je viens faire le Beauvélo de Ravel, je suis ravi. Il y a une ambiance particulière au Beauvélo de Ravel, comment vous la décririez à des amis qui sont jamais venus? Alors, écoute, pour l'instant, j'aimerais bien voir la course parce que j'ai pas vu grand chose, mais je me souviens être venu il y a deux ans et avoir participé en effet au départ de la course où il y avait toutes sortes de cyclistes qui avaient des tandems, qui avaient des vélos du 19e siècle. Voilà, et c'était très folklorique, c'était très amusant, c'était très bon enfant. Et je vois aussi que la tournée du Beauvélo de Ravel s'étend sur plus d'un mois et demi, donc je pense que c'est aussi très sportif. Voilà, donc ça veut dire que c'est une invitation, hein, Olivier. Il faudra un jour prendre Florent Motte sur le tandem parce qu'il a l'air chaud. Ouais, je suis chaud, bien sûr, je suis chaud. Ok, super. Alors, à quoi doit-on s'attendre sur scène? On a déjà parlé un petit peu de votre duo avec Natacha Saint-Pierre. Il paraît que vous êtes croisés dans le train. Oui, bah oui, Natacha, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Et je suis ravi d'être avec elle aujourd'hui. Ça nous donne l'occasion, en effet, de chanter un petit duo sur scène. C'est ça qui est intéressant dans les festivals. On peut préparer des choses inattendues. Et voilà, c'est un duo. Donc, moi, je vais faire des chansons de mon répertoire, de Mozart, l'opéra rock que vous connaissez, du roi Arthur. Et puis, mon nouvel album qui vient de sortir, mon nouveau titre Quoi de neuf. Et donc ce duo avec Natacha. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Merci également à Florent Motte. On le retrouvera sur scène dans quelques instants. Nous, on va écouter Elton John pour se quitter. Elton John avec Sorry Seems to Be the Hardest Word. Et puis, on va retrouver bien sûr les informations de 16h. Et juste après, émission spéciale avec David Oudrey. Émission spéciale Tour de France pour l'arrivée aujourd'hui à Morzine. What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And awake to find that you're not there. What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad, with the sad, sad situation. So sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. Et 59 minutes dans quelques instants, les informations de 16h sur Vivacité. Et puis bien sûr, si vous nous rejoignez à Nivelles, on va retrouver sur scène Florent Motte. Il y aura aussi Natacha Saint-Pierre et la voix de ses maîtres. Rendez-vous pour la suite du Beauvélo et rendez-vous pour le Tour de France dans quelques instants. Tout vivacité à la demande est sur rtbf.be/ovio. RTBF Ovio, libérez vos envies.